semaine, 17h à Montréal, en direct de la Brasserie Elbe sur la rue Bernard. J'ai l'immense honneur, l'immense bonheur, l'immense privilège ce soir d'être entouré du fabuleux Fred Savard. Merci. De l'incroyable Jean-Sébastien Girard. Bonjour. Et d'Olivier Niquette. Salut. Ainsi que de notre merveilleux public qui trouve que la soirée est encore jeune. Bonsoir tout le monde, bon dimanche. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à l'écoute hier? On a eu une grosse émission hier, hein? Ça va être très difficile de topper ça aujourd'hui. Oui. Juste vous le dire là. Ça dépend, ben, ça dépend dans quel domaine. On a un beau programme quand même pour vous. On va passer la première heure avec Joselito Michaud. J'ai eu la chance de jeter un œil sur l'entrevue qu'il a réalisée avec Pauline Marois, qui va être diffusée demain soir à Télé-Québec. Mm-hmm. On en apprend beaucoup sur le cœur de Madame Marois. Ah ouais? Elle a un grand cœur. Ah ouais, hein. Après ça, elle a une grande maison, c'est un grand cœur pour mettre dedans. Non, elle n'a plus sa grande maison. Ah non? Sur les bizarres. Non, elle l'a vendue. Elle, elle vit dans un demi-sous-sol. Okay. Elle a juste son petit chac, je pense. Oui, voilà. Dans la deuxième heure, on va avoir Monique Simard de la SODEC et Marc-André Lucie. On va parler cinéma. Oui. Et je pense que Fred Savard va... Mon histoire des Grecs, c'est sur le cinéma québécois également. Mais c'est-tu un addon? Aïe, aïe. Non. OK. Je me disais aussi... C'est étonnant. Il y a beaucoup d'histoires plus qu'on pense. Ah oui? Ouais. Dans le cinéma québécois? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait de beau hier soir, Jean-Sébastien, vous? Ah, pas grand-chose. Bon, parfait. À un moment donné, je me suis tenu de regarder de la pornographie, donc... Oh. Ben voyons, vous me posez la question. Alors, j'ai décidé de me mettre à zapper à la télé. Devinez sur quoi je suis tombé, Jean-Philippe? Ben, je sais pas. Sur apostrophe. Est-ce que vous avez connu ça? Vous êtes trop petit. Ben non, mais apostrophe avec Bernard Pivot. Avec Bernard Pivot. Ben oui, je connais ça. Il y a des gens qui connaissent ça dans la salle d'apostrophe. Vous connaissez ça? Ouais, oui. Bon, alors, une partie voyons du donc. Savoir que je possède, Jean-Philippe, provient d'apostrophe. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. C'est une série qui a été diffusée entre 75 et 1900. Pourquoi vous êtes étonné? Ben, entre 75 et 1990. Ça s'entend pas toujours. Oui, c'est ça. Ça s'entend pas précisément. Mais c'est un rôle. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent dans la vraie vie. Donc, ça nous permettait de découvrir des grandes figures de la littérature du 20e siècle. Et c'est à Canal Savoir qu'on a décidé de refaire cette diffusion-là. Oui. Mais on rediffuse des vieux épisodes. Absolument. Et c'est pas un mais peu les livres vieux. Ne meurent jamais. Hein. Mais les livres ne meurent jamais. Puis mais de toute bien, façon, mais... on parle de grands auteurs de 20e siècle qui ne sont pas devenus caducs parce qu'on est en 2014 et que vous avez des iPhones puis des iPods, Jean-Philippe. Mon Dieu, on dirait mon grand-père. Mauriac reste toujours ça. Alors justement, cette semaine, l'épisode qu'on nous propose, c'est Camus et Mauriac. Et la semaine prochaine, ce sera Romain Garry et Émile Ajar. Et ça, c'est la même personne, ben avant que vous ayez l'air fou, Jean-Philippe, devant tout le monde. Voilà. Sinon, ensuite, j'ai pris un bain. Et dans mon bain, j'ai lu la sélection du Reader Digest. Et j'ai fait ça? Oui. Et j'ai découvert une section fort intéressante qui s'appelle « Penser à retenir ». Alors, avec un titre comme ça, je me suis dit « Bon, je vais avoir des réflexions sur Platon, Sartre, Nietzsche, par voilà, exemple. Voilà, » voilà, voilà. Or, non, j'ai trouvé des réflexions de, écoutez bien, là, j'invente rien, de Caroline Néron, de Lise Ravary et de Fred Savard. Pour Fred, vrai. Notre Fred Savard? Notre Fred Savard dans « Penser à retenir ». Ben donc, non, je vais vous laisser certaines de ces réflexions. Oui. Donc, il faudrait retenir cette pensée-là de Fred Savard qui va comme suit. Mais non, mais c'est ce qui est écrit Fred, dans le Reader. Ben oui. Alors, ça dit « Tu te rends compte que tu vieillis quand les enfants des joueurs de hockey que tu aimais quand tu étais jeune se font repêcher dans la LNH aujourd'hui. » J'ai dit ça sur Twitter au printemps dernier et là, il y a quelqu'un à la sélection du Reader Digest qui a fait une pensée à retenir. LOL, Fred. Voilà. J'arrête de parler. Sinon, une pensée quand même vraiment intéressante. On fait souvent des blagues avec Caroline Néron, mais vraiment, c'est pas une conne. La fille, il y a une réflexion. Moi, j'ai fait comme « Wow, OK, c'est un pensée si bien. » Et ça va comme suit, pour vrai. Les difficultés sont des occasions uniques d'apprentissage. C'est grâce à ces erreurs qu'on s'améliore. C'est pour ça que vous êtes bon aujourd'hui. Vous avez exactement. Fait plusieurs erreurs, Jean-Sébastien. Voilà. Et enfin, ben, y a la pensée de Lise Ravary que je pourrais vous lire, mais c'est pas moi qui va donner plus de tribunes à Radio-Canada à Lise Ravary. Alors, si vous voulez la savoir, achetez le petit livre. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est merci. Tout? Oui, c'est tout. Ah, oh, c'est très généreux. Quel beau samedi soir. Oui. Fred, vous avez fait quoi votre samedi soir? Je dois avouer que j'ai pas passé une très bonne soirée. Ben voyons donc. Non, parce que bon, les gens qui ont écouté l'émission hier, vous savez que Jean-Philippe m'a traité d'enfant de chienne. J'ai de la misère à le répéter. Enfant de chienne. Ouais, je trouve pas ça. J'ai trouvé ça très ordinaire. Ok. Et j'ai passé une mauvaise soirée. Ma mère m'a appelé parce qu'elle a écouté l'émission. Elle était pas très contente. Okay. Et vous savez que j'ai passé la soirée avec votre mère, c'est pas vrai du tout. Non, je serais très étonné. Ma mère a du goût, mais et elle aime les hommes. Elle aime les hommes. Bon, je trouve que ça va déjà trop loin, mais vous vouliez qu'on ouvre les lignes. Vous avez dit ça hier, hein? J'aimerais ça qu'on prenne des appels. Puis justement, je pense qu'on a un appel qui a quelqu'un qui veut vous parler. Arrêtez donc, on écoute. Allô, maman? Oui. Bon. Jean-Philippe, t'écoute, tu peux lui dire ton petit message. Hey, Vautier, je vous ai écouté hier. Ouais. Tu as traité mon fils d'enfant de chienne. C'est vraiment ordinaire. Surtout quand on sait que c'est lui qui écrit tes textes. Grâce à lui, t'as l'air moins insignifiant qu'à deux hommes en or. Boum! Merci, maman. C'est un message enregistré? Ben, pas du tout. Elle a raccroché. Est-ce qu'elle a raccroché? Est-ce qu'elle est là? Elle est encore là? Ah non, elle a raccroché. Ah mon Dieu, mais c'était pas message enregistré du tout, elle était pas contente. Et c'est la dernière fois qu'on me traite comme ça, je te le dis à la radio. D'accord. Je vais déposer une plainte pour vous. Je vais trouver une autre insulte, y a pas de problème, j'en ai plein dans ma besace. Merci beaucoup, Fred. Olivier, vous avez quoi, vous, comme... Ben hier, c'est la première de SNL Québec. Alors, oui, j'en ai profité pour compter nos fans sur Facebook, un à un. Et je vous annonce qu'on vient de passer la barre des 5000. C'est un chiffron, on aime ça, les chiffrons. Et ça m'a donné l'idée de regarder ce qui se passait ailleurs aussi. Sur Twitter, on est rendu à 6666 abonnés, dont 1000 qui nous suivent juste pour nous détester. Oui. Et je suis allé voir nos comptes respectifs à nous. Le plus populaire, c'est vous, Jean-Philippe, avec bientôt 15 000 abonnés. Oh. Et votre stratégie est assez simple. Hein? Vous écrivez des tweets en franglais qui s'adressent uniquement à des vedettes. Donc, c'est sûr que vous avez plus de visibilité. Uh-huh. Sinon, j'arrive deuxième avec presque 8 000. Ah, bravo! Hein? Oui, j'avais construit ça avec la sueur de votre front. Hein? Exactement, à coup de tweets intelligents et de photos de mon manger. Ensuite, on a Fred à 7300 et Jean-Sébastien qui tire de l'arrière à 3300 abonnés. Pour vrai, ça serait vraiment sympathique que les gens m'ajoutent. On va pas commencer ça, là, les petites rivalités de médias sociaux. Ben non, parce que on est au-delà de ça quand même, nous. Ben moi, je suis au-delà de vous pas mal. Ouais. Non, okay. Enfin. Bref. Mais sur MySpace, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Bref, il y a beaucoup de monde qui nous suivent. Donc, si vous voulez pas être rejet, vous pouvez nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée. Est encore jeune. Vous pouvez nous écrire à lasoirée@radiotradeunioncanada.ca si vous avez des questions ou des commentaires. Et pour assister à l'émission, c'est sur notre site radiotradeunioncanada.ca/lasoirée. C'est à la microbrasserie Elm au 273 Bernard Ouest à Montréal. Et les gens peuvent nous donner des réponses à la question du jour sur Twitter ou par courriel. Et la question aujourd'hui, c'est la suivante. Des milliers de personnes marchent dans le monde pour le climat aujourd'hui. Mm-hmm. Vous, êtes-vous pour ou contre le climat et pourquoi? Déjà plusieurs réponses d'ailleurs. J'espère qu'il y a des gens. Les gens seront pour parce que mon métier de météorologue pourrait s'arrêter. Ben oui. C'est de moins en moins intelligent, vos questions. Hein? Ben merci. Ben justement, parlant d'intelligence, allons joindre notre salle de nouvelles portatives. Fred Savard, hein? Oui. Le Mado Lamotte de la nouvelle. Je suis rendu au bout des comparaisons. Oui. On a appris que la Sûreté du Québec allait être elle aussi frappée par l'austérité. C'est pas oui, on apprenait que le gouvernement Couillard lui a demandé de réduire son budget de 30 millions de dollars, Jean-Philippe. Ah, mais bon, le gouvernement assure que les services à la population seront maintenus puisqu'on demandera également au crime organisé de réduire ses activités de 30%. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Oui. Ben, tout le monde. Oui. On demande faut que tout le monde fasse sa part, c'est important. Ouais. Faut dire qu'ils sont bien plugués dans la mafia, hein. La commission Charbonneau l'a démontré. Oui, ben c'est ça. Je pense qu'il y a un téléphone rouge. On parle de criminalité. Il y a la déléguée du Québec à Mexico qui a gagné à la loterie. Oui, Christiane Pelchak, qui, malgré le fait qu'elle a démissionné de son propre chef, a tout de même reçu une indemnité de départ de 94 000 $ après seulement 3 ans de service. Ouais. On n'a pas pu parler à personne au gouvernement libéral pour nous expliquer la manœuvre. Il n'y a que le ministre Bolduc qui traînait dans le corridor qui nous a confié que les généreuses indemnités de départ à des gens qui démissionnent, ça n'a jamais tué d'enfant. Et il n'a jamais. Pas tort. C'est vrai. Sinon, c'est pas des lingots, hein? C'est-à-dire? Parce que des lingots, ça peut tomber sur la tête d'un enfant, mais là, c'est comme un versement. Pour arrêter. C'est pour ça que c'est pas dangereux. Sinon, il y a la CAQ qui a annoncé une grosse candidature dans les vies. C'est finalement l'animateur de TVA, François Paradis, ben oui. qui tentera d'être élu dans l'ancien comté de Christian Dubé. La CAQ est un parti naturel pour M. Paradis, lui qui est un spécialiste du gros bon sens et du populisme. C'est pas une blague? Non, je sais, mais à un moment donné, la rigolade, là, ça va pas très bien dans le monde. Moi, j'en reviens de la rigolade. Ah, mon Dieu. Faut dire des vraies choses. Parlant de ça, oui. Il y a des petits rorquals qui auraient bloqué les travaux de TransCanada à Kakuna. Oui, ça, c'est étonnant. Des dizaines de petites baleines sont venues venger leurs amis belugas, et là, c'est pas un dessin animé, en perturbant le forage au large de Kakuna, effectuant des dizaines de sorties devant les bateaux de TransCanada. Le gouvernement Couillard aurait accusé l'opposition d'avoir entraîné ces petits rorquals pour perturber les travaux. Ça serait surprenant que ce soit le PQ, puisque les rorquals semblaient coordonnés et unis derrière un même objectif. C'est quand même bonne. Ouais. Sinon, quoi d'autre? Finalement, c'est une fun, la rigolade. Il y a la compagnie Bombardier qui sous-traite de plus en plus ses travaux d'ingénierie. Oui, hein. Selon Radio-Canada, la compagnie aurait des cibles pour augmenter de plus en plus sa sous-traitance dans des pays comme le Mexique. Mm-hmm. Malheureusement, la compagnie semble moins pressée de trouver des moyens de sous-traiter les millions en subventions qu'elle reçoit chaque année des contribuables canadiens. Moi, je ne prendrai plus jamais un avion Bombardier. Hein. Jamais. Arrêtez donc. Ouais. Vous avez les moyens? Non. Toujours dans le domaine aérien, il y a les pilotes d'Air France qui ont reconduit leur grève jusqu'au 26 septembre. Oui, hein? Les vols ont été perturbés, le service à la clientèle est inexistant, donc tout est revenu à la normale. Eh bien, Fred, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Oui. La météo. Wow. Ça non plus, je suis pas sûr. Alors, Fred, la météo, ouais, on se supergue dimanche. Oui, mais je vais varier un petit peu. Je vais inverser les chiffres pour la météo. Alors, Edmonton, 82. Vancouver, 23, 32. Calgary, 52. Iqaluit, 3. Ben, il fait toujours 3, Iqaluit. Et Whitehorse, 7 degrés. Il pleut. Et sur la rue Bernard, il fait très beau. Moi, je suis venu en scooter. Il mouillait. Et évidemment, je suis arrivé. Et maintenant, il fait beau. C'est comme ça. La météo se rebelle. C'est le karma. Ouais, et on invite les gens à nous écrire pour la circulation. La semaine dernière, on a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit. Oui, je sais. Des gens même des Philippines. Hey, mais d'ailleurs, Indonésie. Indonésie, voilà. Ben, je mélange, oui. C'est la même place. C'est le même coin, oui. D'ailleurs, on a ouvert les lignes pour votre mère. On pourrait ouvrir les lignes pour la circulation. On pense à ça. Jean-Sébastien, vous aviez une petite note, là. Oui, ben absolument. Les gens ont commencé à m'ajouter sur Twitter parce que j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Donc, j'ai 4 nouvelles personnes qui me suivent. Remerciez-les. Oui, ben je vais les remercier. C'est Philippe Fréchette, Isabelle Falardeau, Lise Ravary, pour vrai, Dan Kelly et la comédienne Cathy Gauthier. Tous ces gens-là viennent de me suivre dans les dernières semaines. Oui. Et c'est tout à fait vrai. Et j'inviterai les gens à m'ajouter. J'aimerais me rendre à 4000 d'ici la fin d'émission. Et je tiens à vous dire que depuis que Lise Ravary vous suit sur Twitter, il fait maintenant 8 à Whitehall. J'en ai aucune idée pourquoi. Tout est dans tout. Quand ça va bien. Hey, messieurs, il n'est jamais trop tard pour débattre. C'est notre juteux débat hebdomadaire où nous discutons d'un sujet de fond et cette semaine avec le référendum écossais et les nombreuses associations entre les référendums québécois et les ressemblances avec celui qui a eu lieu cette semaine au Royaume-Uni. Il est de bon ton de proposer comme débat sur le sujet afin d'approfondir cette question qui préoccupe nombre de peuples dans le monde. Oui. Alors j'y vais, pour ou contre, les petits pays. Oui. Et ça, c'est très important. Fred Savard, a.k.a. l'indépendantiste, sera pour les petits pays. Et moi, Jean-Philippe Vautier... Mon Dieu, que vous êtes simpliste. a.k.a. le vendu, je serai contre les petits pays. Oui. Donc pour les gros pays. Ah non, je suis contre les petits, moi. Okay. Faites attention. Ouais. Et Jean-Sébastien Girard, je vous demanderai d'être l'arbitre ce soir, comme la semaine dernière. Soyez seulement meilleur que la semaine dernière, peut-être un peu mieux préparé. Ben là, je suis avisé cette semaine. Ah, d'accord. Alors, ben, je vous invite d'ailleurs à commencer, Jean-Philippe, tout de suite. Non, je vais laisser la place à Fred, ça va. Ah, OK. Non, quand même. Ben, vous m'avez traité d'indépendantiste, et là, on est à la radio de Radio-Canada, alors j'aimerais dire non, je ne suis pas indépendantiste. D'accord. Je ne vise pas le Canada quand j'aime les petits pays. Et d'ailleurs, le Canada, on le sait depuis 2006 avec le gouvernement conservateur, est quand même assez petit, donc je suis tout à fait cohérent dans ma pensée. Bonjour. Les gens, un public facile. Non. C'est pas un si grand pays. Les frontières, c'est trompeur. Depuis 1960, les amis, 94 nouveaux pays à l'ONU. Depuis 1960, 193 aujourd'hui, ce sont tous des petits pays qui se sont rajoutés. Nommez-moi un gros pays, Jean-Philippe, depuis 1960, qui s'est rajouté à l'ONU. Les nouveaux pays qui se créent sont des petits pays. Et ça, il y a une raison pour ça. Parce que les petits pays, c'est le fun, tout simplement. Oui, juste parce que cet les gros pays, on va se le dire, c'est comme un Costco. Tu trouves peut-être de tout, mais ça te prend un char pour y aller. Et le char, on sait, c'est une technologie d'une autre époque. Alors, et ça fait mourir le petit commerce. Et moi, je suis un partisan du petit commerce. Moi, j'aime ça sortir de chez moi à pied pour aller à la petite fruiterie, voir le petit marchand de fruits et lui envoyer un beau petit bye-bye. Small is beautiful. Ça fait longtemps qu'on a donné la part belle aux gros pays. Ça a fait des guerres. La Première Guerre mondiale, c'est des gros pays qui ont créé les deux grosses guerres mondiales. Et je pense que les petits pays, c'est l'avenir. Marshall McLuhan le disait de toute façon avec la globalité. L'internet, le village global, que ça allait tribaliser les gens, fait que ça allait en fait défaire les grandes collectivités et nous remettre, nous recentrer sur les choses qui nous différencient. Et ça, c'est une pensée qui va vers les petits pays. Ouais. Et moi, je suis pour les petits pays. C'est très intéressant. On va donner la parole maintenant à Jean-Philippe. Mon Dieu, la victoire va être plus facile que je pensais. j'aimerais d'emblée vous avouer ceci. Je ne suis pas un fédéraliste. Ni un souverainiste, d'ailleurs. Non, je n'ai pas de patrie. Je n'ai pas d'idéal pour des frontières, Frédéric. Je ne suis pas pour les petits pays, mais je ne suis pas pour les grands non plus. Oh. On n'a pas d'argument, on joue sur l'émotion. J'ai réfléchi profondément à cette question pour ou contre les petits pays. Et mon cœur est arrivé avec cette réflexion aujourd'hui. Et j'aimerais citer mon poète favori, John Lennon, qui disait « Imaginez qu'il n'y ait pas de paradis. » Non, pas de paradis. C'est facile. SF, Frédéric. Encore une fois, c'est pas un débat que vous faites, c'est un sketch. Imaginez. Imaginez aucun enfer sous nos pieds. Au-dessus de nous, uniquement le ciel. Fred, regardez le ciel. Vous savez qu'il y a maintenant deux à White Horse. Vivre l'instant présent. Imaginez tout le monde vivre l'instant présent. Imaginez-vous qu'il n'y ait plus de pays. Plus de pays. Et surtout pas, Fred, des petits. Non, ce n'est pas difficile, même pour vous, Fred, qui avez une imagination limitée. Oh. Plus aucune raison. Une attaque personnelle. Plus aucune raison de tuer ou de mourir. Et pas de religion non plus, Fred. Écoutez-moi bien, là. Vous savez, j'ai toujours pensé que les pays n'avaient d'autre but que de nous limiter. Dans nos rêves, dans nos désirs, notre imagination. J'ai toujours cru qu'un pays, aussi grand soit-il ou si petit, n'apportera jamais... Juste m'appeler quand il aura terminé, je vais être de l'autre côté. N'apportera jamais à l'être humain ce dont il a vraiment besoin. De fraternité, d'amour, de bonheur. Non, pas de iPhone 6 ou de iPhone 6 Plus, je le conçois. À moins que ce soit un cadeau, évidemment. Je vous donnerai mon adresse à la fin de l'émission. Non, pas de frontières non plus. Peut-être me direz-vous, Fred, que je suis un rêveur. Peut-être. Mais je ne suis pas le seul. Et j'ose espérer, Fred Savard, et tous les gens qui sont dans la salle et ceux à la maison, que j'ai su vous convaincre que tous ensemble, nous saurons changer le monde, peu importe la grandeur du pays. Oh. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, Frédéric, on va vous donner un mot de réplique. Je suis vraiment déçu de voir que la réalisatrice, l'assistante et le technicien sont totalement contre moi. Et vous jouez sur la corde sensible avec une petite musique de John Lennon et les gens qui béatement applaudissent. Extrêmement déçu. On gagne des référendums avec la part. Je vais poursuivre le débat avec de vrais arguments et non pas un sketch écrit par je sais pas qui. D'ailleurs, pas très bien écrit. Mais j'aimerais dire que je suis tellement... je ne suis pas indépendantiste. En fait, oui, je suis indépendantiste, mais pas du Québec. Je vais aller plus loin que ça. Moi, éventuellement, j'aimerais peut-être que Montréal se sépare du Québec. Et après ça, j'aimerais que les arrondissements, chacun de leur côté, se séparent pour aller jusqu'au bout du concept et que chaque personne se sépare et devienne elle-même un petit pays avec ses propres frontières et une capitale. Moi, ma capitale est dans mes boxers, en passant. Mais... Non, mais c'est au milieu, c'est souvent au milieu d'un pays, une capitale. Mais j'irai jusque-là, moi. Et là, je suis désolé, j'ai pas de petite musique un petit peu cheesy pour amadouer les gens. Mais je pense qu'on pourrait aller. On est dans une époque très individualiste. Vous en êtes un excellent exemple, puisque vous ne faites absolument pas un débat avec moi, mais vous faites votre petite affaire. Je suis extrêmement déçu là, de la musique. Je pensais pas qu'on pouvait faire ça, à jouer si bas comme ça. Mais voilà, moi, mon argument, c'est ça, c'est qu'éventuellement, on va tous être. Un individu va être un pays. On va être chacun notre propre pays. Et ça va fonctionner bien comme ça. Bon, ben j'en avais un bon argument pour vous, si vous me permettez. Je l'avais laissé de côté parce que je me disais que c'était peut-être pas nécessaire, mais je vais y aller. Plus ton pays est grand, plus t'as de chances de remporter une médaille olympique. Oh. Plus t'as de chances de Olympiques, remporter de médaille. C'est tellement 20e siècle. Laissez les autres parler. Hein. Ouais. Et plus t'as de chances de remporter une médaille olympique. Avez-vous une petite musique avec ça? Allez-y. Plus t'as de chances de remporter une médaille olympique, plus t'as de chances de faire plaisir à Marcel Aubut. Et plus t'as un grand pays, plus t'as de chances d'accueillir Marcel Aubut. Bon. Pour fitter dedans, vous comprenez ça l'histoire. Ouais. OK, bon, vous voyez, juste pour ça, hein. OK. OK, faites un tour de table dans un petit tour de table avec Olivier. Oui. J'étais sur Twitter. Vous vous situez où dans le débat qu'on entend présentement? Moi, je serais plus du côté des petits pays, je dirais, oui. Ça m'a touché, l'argumentaire de... De vrai? Ça vous a touché, l'argumentaire merci. De vrai? Ben, sûrement pas la petite tonne qui m'a touché. Là. Oh! Okay. Non, le fait qu'on puisse devenir un jour un pays, moi... Ben, c'est tout à fait. Avec mes abonnés maintenant, sur Twitter... On va demander, est-ce que vous avez d'autres arguments? Non, ou on passe au vote du public? Comment d'autres arguments? Avez-vous des arguments? Alors, on va passer maintenant au vote du public. Alors, en tapant des mains, selon vous, est-ce que c'est Jean-Philippe Vautier qui a remporté le débat? Ah! Alors, je pense que. Vous nous aviez annoncé que votre cousin venait aujourd'hui. Hein? Il vient d'applaudir. Et qui souhaite que Fred Savard remporte ce débat-là? Alors, je suis extrêmement heureux de voir que les gens n'ont pas été dupes de vos manœuvres sentimentalistes de chansons de John Lennon. John Lennon, vous n'aviez jamais entendu parler avant l'émission d'aujourd'hui. Je suis très certain pour ça. En tout cas, j'espère pas faire un pays avec vos arguments, par contre. Hein? OK! on va aller à une petite publicité, d'ailleurs, pour vous sensibiliser sur l'importance important. De ne pas texter au volant. Hein? Ouais. On écoute. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est morte pour son message de courage. Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges est morte pour son message de libération de la femme. Le 15 avril 1865, Abraham Lincoln est mort pour son message anti-esclavagiste. Le 2 juin 2014, Steve Fréchette est mort pour son message. Hey, y'a le gros! On se rejoint-tu au Washington? Texter au volant est un signe de la théorie de l'évolution. Un message de Darwin. Notre premier invité, Bren. Après avoir pris un train pour toujours, il prend maintenant le tramway de la gloire. Accueillons M. José Lito Michaud! Ah, ça, c'est la présentation. Ah, hein? Le tramway de la gloire. Ouais, c'est ça. Ben, on vous reçoit, José Lito, à 24 heures de la diffusion de la rencontre avec Pauline Marois, votre rencontre avec Pauline Marois. Oui, allons-y. Merci de venir nous voir. Ben, ça me fait plaisir. J'étais en montage d'une autre émission, d'ailleurs. Fait que j'ai dit, tiens, on va aller faire un tour à Montréal. Avec qui? C'est la série Sous la gloire avec Marie-Mé et Karine Malas et Rock Voisine et Jean-Marc Parent. Dans une seule émission? Non, okay, dans deux émissions, okay, je monte deux à la fois. Là, c'est la première entrevue de Pauline Marois, de l'ancienne première ministre, ouais. À la télé, en fait, pendant une bonne heure. Et vraiment, je vais vous le dire, quand on a appris que Pauline Marois s'était assise avec vous... Je l'ai entendu! Patrice Roy était en sacre force. Ouais, j'imagine très, très bien. Mais moi, c'est drôle, quand j'ai fait cette entrevue-là, j'ai jamais pensé à ça. C'est vrai? Jamais, jamais, je me suis dit, est-ce que ça va soulever, je sais pas moi, pas une controverse, c'est un grand mot, mais une jalousie ou une envie, comme vous, par exemple, ça manifestait un immense désir de la faire, cette entrevue-là. Oui, me l'avait dit, d'ailleurs, Jean-Philippe. Ouais, ouais. Mais sincèrement, j'ai pas pensé à ça. C'est après coup, quand l'annonce a été faite, j'ai fait, ah, OK, je comprends l'impact que ça a. Mais moi, pauvre Patrice, il l'aura plus tard, mais, mais pour l'instant, le but de cette rencontre-là, c'est d'avoir la femme devant moi et non la politicienne. Donc, il y avait un travail à faire pour... Ouvrir. Mais justement, comment ça se fait que c'est pas Patrice qui l'a eu et c'est vous qui l'avez eu? Je sais pas. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, je ne peux pas expliquer ça, mais il y a 2 ans, je voulais avoir Mme Marois dans la série Sur la gloire. Ouais. Je me disais, la politique, il y a quelque chose d'épouvantable. Ça dit, c'est glorieux. Puis tout d'un coup, ça ne l'est plus en 30 secondes. Puis je me suis dit, tiens, c'est un aspect de la gloire qui m'intéresse dans le sens où comment on fait pour se relever de ça. Donc, et j'ai assisté, j'ai Mme Marois, tu as parti du pilote, donc j'ai assisté Mme Marois au TNM le soir de la victoire du 4 septembre dernier, en 2012, pardon, et je l'ai suivi après sur Métropolis, ne sachant pas ce qui allait se passer sur Métropolis ce soir-là. Et entre-temps, je dirais quelques semaines après, il y a eu le documentaire en préparation d'Yves Degagné. Mm-hmm. Donc pendant ça, je me suis dit, bon, je vais regarder ces images-là, puis un jour, je ferai une entrevue, un tête-à-tête avec Mme Marois. Je suis retourné à la défaite électorale qui s'annonçait peut-être être une petite victoire ou une moyenne victoire ou peut-être une défaite. Et finalement, je me suis dit, mais ça prend une entrevue pour compléter. Fait que j'ai plus, de façon un peu innocente, en disant ce serait le fun qu'on complète ce qu'on a commencé. Oui, oui. C'est plus dans ce sens-là que j'ai fait ça. Puis j'imagine qu'elle n'a pas accepté tout de suite. Là, elle a surtout refusé. Ah oui, c'est ça. Elle a surtout refusé, mais en même temps, à un moment donné, elle a dit oui. Puis quand elle a dit oui, elle a dit non. Et puis à un moment donné, elle a reculé. Elle a reculé. Ben, c'est ça qui se passe. Ben, vous faites référence à l'entrevue où j'en parle. On dit des fois, vous avancez, vous reculez, Mme Marois. Mais finalement, elle a accepté. On a fait ça le 10 septembre dernier. Je vous écoutais à Catherine Perrin la semaine dernière et vous avez dit qu'elle ne vous a pas vraiment donné de conditions pour l'entrevue, sinon celle de ne pas parler de la course à la chefferie. Oui, c'est-à-dire que c'était pas une condition sine qua non, mais c'était qu'elle ne voulait pas se prononcer sur la course à la chefferie et de parler de son candidat ou sa candidate qu'elle choisissait. Donc, ça voulait dire qu'on excluait certains sujets puisqu'ils étaient liés intimement à cette course à la chefferie. Donc, ça veut dire que vous avez décidé de ne pas parler de sujets comme ce qui a fait la manchette jusqu'à ce qu'il y ait cette entrevue-là, la petite promenade en Ferrari de Pauline Marois avec la Ferrari de son mairie. Oui, mais en même temps là, le but de la rencontre n'était pas de lui dire comment ça votre mari décide d'acheter, par exemple, sa Ferrari après votre défaite électorale. Bon. Mais en même temps, je pose d'autres questions qui nous amènent à comprendre que quand tu es en politique, il y a des conditions qui viennent avec. Je pense que c'était... Moi, je ne voulais pas la coincer, mais j'ai posé des questions quand même extrêmement délicates parce que plus on avance dans l'entretien, plus je veux comprendre la femme qui est devant moi parce qu'il y a quelque chose que je veux comprendre de cette défaite électorale-là. Et est-ce que ça valait le coup, tu sais, d'attendre 30 ans pour avoir ce moment de gloire-là? Il y a quelqu'un qui gâche le moment. Il y a des gens, tu sais, c'est pas ta victoire que tu souhaitais. Tu veux être majoritaire, t'es minoritaire. T'arrives là-bas, il y a un attentat contre toi. Moi, j'étais présent, on aurait pu tous mourir là. Puis après ça, tu t'en vas, t'es minoritaire, puis tu t'en vas après ça, tu dis, moi, tiens, on va parler de la charte, ça va pas bien. Fait que finalement, je me disais, ça valait-tu le coup de passer 30 ans, au moins 20 ans à espérer ce poste-là, cette fonction-là ultime? Parce que comme vous êtes le premier à vous asseoir avec Pauline, on s'attend... Ben, je veux dire, je l'ai écouté l'entrevue. Vas-y. Je l'ai écouté l'entrevue. Allez-y. Et Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Non, ou qu'est-ce mais... que vous auriez lui poser? Parce que c'est encore une fois motivé seulement par votre envie folle de la faire en entrevue. Oui. D'accord, allez-y. Suggérez-moi des questions sûrement écrites par votre ami ici. Non, sérieusement, Jean-Philippe. Non, mais en fait, je me suis posé la question parce que je l'ai écouté. Évidemment, il y a 1000 questions qui me sont venues en tête. Et je me suis demandé, est-ce que José Lito a eu un petit peu peur qu'un journaliste juge le travail que vous avez fait? Jamais. Pas du tout. Non, il y a un jugement, vous, sur ce que je viens de faire comme travail. Non, pas du tout. Mais, non, mais sérieusement, Jean-Philippe, d'abord, non, j'ai jamais pensé à ça. Quand j'ai fait des milliers d'entrevues, ouais. dont des centaines dans le train, jamais je pensais, quand j'ai fait Claude Béchard, mm-hmm. Isabelle Gaston et bien d'autres, je n'ai pas commencé à dire qu'est-ce qu'ils vont dire quand je pose la question. Si on commence à faire ça, je ne sais pas si vous le faites à deux moments là, moi, je ne pense pas à son envie. Ouais. Moi, je pose des questions qui me viennent après avoir lu des centaines de pages de rapports de recherche, puis je veux comprendre l'individu qui se cache derrière ce personnage de public. Donc, non, je n'ai pas eu peur, mais la préoccupation que j'avais, tiens, c'est un autre mot, ça, par rapport à peur, c'était de dire, je savais que politiquement, il y a des pages que je ne pouvais pas aller. Je savais que je la perdais, que j'avais la cassette de la politicienne qui revenait. Je le savais. Vous avez enregistré combien d'heures ou en fait combien de temps pour... À peu près, l'émission de 57 minutes, à peu près 1h50 peut-être. C'est dans quel, quel moment vous la sentiez la plus vraie? Dans l'entretien, ouais. Je dirais que c'est normal qu'au début, c'est des réflexes de politicienne qu'elle a. Elle a toujours été comme ça depuis 30 ans et plus. Puis à un moment donné, je dirais qu'il y a un moment, quand elle revoit les images du Métropolis, où elle là, est en mesure de comprendre l'ampleur, elle avait peut-être compris, mais elle revoit ces images-là. La défaite électorale, elle se revoit, c'est une image forte. Dans... Vous parliez de la cassette, est-ce que vous auriez aimé peut-être, parce que là, ça fait pas très longtemps, mais elle est quand même à la retraite, elle a rien à perdre ou à gagner d'utiliser la cassette. Est-ce que vous auriez aimé avoir une entrevue un peu plus... Décapante. Éloignée de sa retraite, sur le plan... Peut-être un an ou deux, peut-être que... parce que ça m'étonne quand même de sa part, parce que sans qu'elle soit vindicative, elle ne fera plus de politique. Là. Fait que la cassette, c'est un réflexe plus que d'autres choses, dans le fond, d'avoir la cassette. Moi, je dirais... Oui, c'est un réflexe. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Ben, moi, je dirais que dans l'entrevue, la cassette part assez vite. Au début, on le sent. Parce que la première question que vous posez, c'est... Oui, Pauline, comment va Pauline? Ouais. Et elle répond très, très heureuse. Mais moi, je la regarde d'une façon sceptique. Ouais, exact. Et elle dit heureuse malgré la peine que j'ai eue. C'est ça. Bon, pour répondre à M. ici, Gérard... Jean-Sébastien, merci. C'est de dire... Il n'y avait pas une intention de faire une entrevue décapante. Ouais. Parce que, premièrement, elle est à 5 mois, effectivement, de son départ de la politique. Elle était là comme femme pour venir parler de la femme versus la politicienne. Ouais. Puis moi, je trouve ça intéressant de la voir à 5 mois. Et peut-être que j'aimerais ça en faire une entrevue dans 2 ans. Je trouve que pour avoir fait beaucoup d'entrevues sur le deuil pendant plusieurs années, tu sais, il y a des étapes dans le deuil qui sont bien importantes. Je pense qu'elle est au début où elle constate un peu l'ampleur de l'affaire, mais elle n'est pas capable encore de trouver toutes les réponses, comme n'importe quelle. Moi, j'ai perdu ma sœur, ma mère aussi, puis il y a un moment où tu ne comprends pas tout ce qui se passe, puis ça prend du temps. Moi, je suis content de l'avoir eu à ce stade-ci parce que j'ai pu comprendre certaines choses et je trouve que, vous l'avez vu, Jean-Philippe, elle se livre à un moment donné, vers la fin, à la finale, on sent que la carapace, elle a laissé tomber quelque chose. Bien, elle a les épaules plus basses, on dirait, à la fin. C'est comme... Ça prenait un grand respect. Deux questions de plus, puis je ne sais pas ce qui allait se passer. Bien là, vous avez pas posé. Parce qu'il y a un moment donné, ça s'appelle de l'indécence. Tu sais, le but, dans la vie, c'est pas de la casser en deux pour qu'après ça s'en aille. Le but, c'est de dire, je veux comprendre. On est capable de comprendre, je le regarde dans les yeux, je pose des questions. Puis à un moment donné, il se passe de quoi ou il se passe pas. Mais dans ce cas-là, il s'est passé quelque chose. Il y a un moment donné où est-ce que, en fait, la question qu'on se posait tous, puis vous l'avez posée, c'est sur les décisions qu'elle a. Ben non, mais c'est vrai. Bravo, je n'ai posé une qui était satisfaisante pour vous. Non. Je vous t'inquiète, Jean-Philippe. Attention, mais c'est la question sur ses conseillers, puis sur le recul, puis les fois qu'elle reculait, puis ce qu'elle a répondu, en fait, c'était assez intéressant sur ses conseillers, des fois, a peut-être suivi des conseils qu'elle n'aurait pas dû suivre. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est clairement, elle dit, j'aurais dû me fier à mon intuition, à mon instinct. Et c'est vrai que finalement, peut-être les décisions auraient peut-être changé. Mais inévitablement, Mme Marois, la personne qui l'a conseillée pendant 30 ans, c'est sa grande amie. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui ne fait pas contrairement à d'autres politiciens. Je pense que pour Lucien Bouchard, il y avait 7 ans ou 8 ans, mais plus que ça. Il est parti en 2001, 11 janvier 2001. Donc, c'est 13 ans qu'il a quitté la politique. Il a fait 13 ans de silence. Ça va dans le même sens que vous tout à l'heure ou ce que vous disiez. Donc, c'est plus facile. En tout cas, tu as une distance suffisamment grande pour savoir jusqu'où tu peux aller. Mme Marois est en... Tu sais, je veux dire, elle ne veut pas blesser personne. Il y a une campagne électorale, il y a un parti politique qui est en déconfiture, qui essaie de se refaire. Il y a une question qui revient encore sur... On en parlait encore cette semaine avec l'histoire de l'Écosse avec cette volonté de vouloir faire un pays. Bref, elle avait beaucoup à perdre en faisant cette entrevue-là. C'est ça que je... C'est la question que je me posais. Pour la convaincre, vous avez fait quoi? Rien d'autre. Qu'est-ce qu'il avait dit? pas grand-chose. J'ai juste dit, il faut compléter ce qu'on a fait ensemble. Il faut terminer cette entrevue-là qu'on a fait ensemble. Je pense que vous devez parler. Vous direz ce que vous voulez. Vous devez parler. Mais j'ai parlé à des gens. Je ne dis pas ça à Mme Morin directement parce qu'il y a des interlocuteurs là-dedans. Mais mon ami m'a dit oui, puis je vais y aller. Puis elle était, quand elle est arrivée à la maison, ça s'est fait à la maison. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas aller dans un studio de télévision où elle serait obligée de faire d'autres entrevues. Et puis, c'était elle qui a demandé ça. Puis finalement, ils sont venus chez moi pour faire l'entrevue. Et sincèrement, il y a un moment donné où j'ai senti que Pauline prenait le dessus sur la politicienne, sur Mme Marois, ça c'est sûr. C'est drôle, à un moment donné, vous dites, pas dans l'entrevue, mais suite à l'entrevue, quand on vous parliez de cette entrevue-là, vous vous dites que Pauline Marois n'avait pas une grande estime d'elle-même. Vous avez été surpris d'apprendre ça au fil de l'entrevue, que Pauline Marois n'avait peut-être pas une grande estime d'elle-même. Pourtant, une première ministre. Oui, mais je me suis posé la question parce que ça me frappait de voir. C'est ce que Marc Laurendeau disait à la suite du visionnement de l'émission. C'est rare ou c'est jamais arrivé, sauf Joe Clark qui a parlé de sa dépression à un moment donné. Mais jamais, quelque temps après l'exercice du pouvoir, quelqu'un s'est confié de cette façon-là. C'est pas pour mettre du crédit à cette entrevue-là, mais pour dire qu'il parle avec une certaine. Tu vois sa faiblesse, tu vois la vulnérabilité de Pauline Marois. Puis là, tu te dis, est-ce que c'était un mandat pour elle? Tu te poses la question. Tu te dis, est-ce que c'était pas trop dur pour elle? Est-ce que c'est pas trop dur pour les femmes en politique? Point final. C'est drôle, hein, parce qu'elle parle de. On a l'impression qu'il y a une amertume, tu sais, parce qu'elle parle de. En fait, de toute l'attention médiatique que son mari a eue. Oui, mais là, bon. Admettons que je lui dis, Mme Marois, votre mari, là, il était président d'eux, puis il était président là, puis il était mentionné à la commission Charbonneau, puis on a parlé d'un fameux deal. Je la connais toute l'histoire, là. Ah ouais, ça. Mais c'est parce que moi, c'est pas une entrevue politique. Non, donc, mais si j'allais là. Mais sinon, non, t'imagines-tu l'entrevue que ça aurait fait? Mais elle est quand même liée, la femme et la politicienne. On peut pas faire abstraction de tout ça non plus, j'imagine. Oui, mais en même temps, on est tellement. D'abord, c'est une entrevue qui était délicate à faire parce qu'il fallait toujours, effectivement, aller un peu en politique pour comprendre son regard, puis en même temps, revenir à la femme. C'était pas évident à faire. Puis je ne voulais surtout pas aller plus en politique parce qu'il y a des gens qui le font, mais sincèrement, mille fois mieux que moi. C'est pas là que je voulais aller. Mais elle le dit quand même, par exemple, à un moment donné, quand elle dit ben, je suis pas sûr que. On aurait fait le même traitement si ça avait été un homme premier ministre. Ça, c'est intéressant, ça, par exemple. Parce que là, tout d'un coup, c'est comme si elle avouait qu'elle l'a eu plus dur parce que c'était une femme. C'est un peu ce qu'on ressentait dans ce témoignage-là. Les femmes qui ont vu ce document-là, cette entrevue-là, ont été bouleversées parce que, justement, il y a peut-être une vraie réflexion à avoir si c'est très demandant, la politique. Ce qu'on demande, puis tu sais, on peut bien dire, après ça, on aime ou on n'aime pas les individus qui font cette politique-là. Mais il reste que pour le faire, on demande aux gens qui viennent faire la politique, ayez une indépendance financière, tu sais, parce que c'est tellement pas payant, ayez une indépendance financière. Quand on en a une, François Legault, Pauline Marois et bien d'autres, on leur reproche d'avoir de l'argent. Fait que je dis, ils sont toujours pris. Et inévitablement, à cause de tous leurs liens possibles et inimaginables, ils ne peuvent plus parler à personne. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont petits. Je suis en train de dire que le prix à payer est peut-être trop cher. Ouais. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir en se disant, c'est tout ça qu'on veut faire dans la vie. Moi, je trouve que quand je regarde Mme Marois, peu importe l'intelligence politique, là, je regarde juste l'individu qui est devant moi pendant cette heure-là, je le regarde et je fais, allez-vous-en donc chez vous. Ça fait 30 ans, là, c'est assez. Allez voyager, faites autre chose. De toute façon, ça donne rien. C'est trop se battre pour rien. Parce qu'à un moment donné, t'es toujours pris dans une guerre intestine du parti. C'est complexe. Il y a les purs et durs à l'autre côté de la jeunesse qui pousse. Il y a un moment donné, moi, je pense qu'il faut apprendre à se retirer. Puis je pense que Mme Marois a pris, elle le dit d'ailleurs, la décision. Et le fait qu'elle perde dans son propre comté, c'est peut-être une bénédiction. D'ailleurs, je lui pose la question en disant, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez remporté dans votre propre comté? Elle resté quelques mois, sachant qu'elle devait démissionner comme chef du parti. C'était un peu un cadeau, dans le fond, de ne pas avoir été élu. Ça lui permettait de s'en aller. Ça s'appelle une bénédiction pour moi. Parce que bonne ou mauvaise nouvelle, comme disait l'autre, c'est peut-être une bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez qu'elle regrette d'être revenue en 2007? Je dirais non, parce qu'elle le dit un peu en entrevue. C'est-à-dire que c'est quand même une femme qui lâche pas, c'est une femme qui abandonne pas. C'est quelqu'un, on en parle beaucoup, de la solitude du pouvoir. Je peux dire qu'elle l'a vécu. J'étais chez elle pour une autre entrevue dans un magazine. Il n'y avait pas grands appels téléphoniques. Il n'y avait rien qui se passait dans cette maison-là, croyez-moi. Et c'était après la fameuse crise avec les départs de Pierre Curzi, Louise Baudin et Lisette Lapointe. J'en parle d'ailleurs. Et elle perdait en même temps le lien de confiance avec Jacques Parizeau à ce moment-là. Donc, c'était beaucoup risqué. Et 9 mois après, elle se retrouve à la tête du Parti québécois et à la tête du Québec. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne pense pas qu'elle le regrette parce qu'elle est allée au bout de sa volonté de le faire. Elle a quand même été élue. C'est la première femme à avoir été élue. Elle a été élue, mais est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui a été plus dur pour elle de n'être jamais devenue première ministre ou de l'être devenue, mais aussi peu de temps dans ce contexte-là? Je dirais que c'est une bonne question. Je dirais peut-être, en la regardant. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question parce que je me dis. Mais elle l'a fait. Je pense que la volonté de Mme Marois, là, je fais une lecture, c'est ma lecture à moi, c'était de passer à l'histoire comme étant la première femme. Elle a passé à l'histoire. D'ailleurs, je pose la question, vous n'êtes resté que 18 mois quand vous sortez vos boîtes du bureau, là, ça ressemble à quoi comme effet, là? C'est, on n'a jamais pensé à ça, mais à un moment donné, tu sors des boîtes quand tu quittes une émission de télévision, puis tu capotes un peu. Imagine-toi quand c'était la première ministre du Québec, puis tu as espéré ça toute sa vie. Moi, je dirais que je pense qu'elle le fait. Elle aurait aimé ça que ça se prolonge plus longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, elle se cherche une nouvelle passion parce que visiblement, vous avez compris que chaque seconde de sa vie en politique, c'était extraordinaire, même si c'était difficile d'apparence. Puis elle a passé quand même, je veux dire, j'ai 34 ans, là, elle a commencé avant ma naissance en politique, ou presque. Oui, je presque, c'est fou, là. Oui. C'est fou, fou. Ben, je veux dire, 34 ans, Fred. Ben oui. Mais non, je suis pas aussi vieux que toi. Excuse-moi. Mais non. Vous avez quel âge? Mais je vous donnais 36. Mais, mais je pense que Mme Marois, je pense qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Puis aujourd'hui, je pense qu'elle est encore dans son deuil, dans ce regard qu'elle a maintenant, 5-6 mois après. Et je pense qu'elle n'a peut-être pas saisi encore toute l'ampleur. Parce que le cerveau est ainsi fait, hein? Il y a un moment donné, tu n'es pas capable de prendre toute l'information en même temps. Ouais. Et on le vit souvent dans le deuil, on se dit, on va attendre un certain temps. Mais moi, je suis très content de l'avoir en entrevue, dans une entrevue humaine et non politique. Donc, demain à 20h à Télé-Québec, est-ce que vous restez avec nous pour l'heure ou vous repartez faire votre montage pour le show de Justin Trudeau? Là, j'ai vu que vous allez recevoir Justin Trudeau pour la prochaine. Oui, j'aurai Jacques Guineuve aussi. Mais je prendrai un petit verre de champagne. Moi, OK, parfait. Restez avec nous pour l'heure. Merci, José Lito. Merci beaucoup. Regardez ce que dans ma besace. Jean-Sébastien s'appelle Besace. Une besace encore très pleine cette semaine. C'est vrai, vous nous présentez quoi? Je débute avec cet ouvrage-là que je traîne dans ma besace depuis maintenant 3 semaines. J'ai jamais le temps de vous en parler. C'est un ouvrage qui est publié aux éditions La Presse qui s'appelle Maison Paysage de Pierre Thibault, architecte. Je l'ai reçu aussi, mais je vais le garder. C'est vrai, alors je vous invite. Est-ce que vous l'avez feuilleté? Non. J'ai regardé le quatrième de couverture. Là, je sais pas trop. C'est qui Pierre Thibault? Alors c'est un architecte très connu. C'est un très, très bel ouvrage. Reconnaissez sûrement ces maisons. On les a vues souvent dans différents documentaires. Ces maisons-là est un peu la vedette du dernier film de Denis Arcand. C'est peut-être la seule chose intéressante d'ailleurs dans ce film-là. Ce sont ces maisons-là. C'est un architecte qu'on aime beaucoup, qui a une façon vraiment de créer en symbiose ces environnements de vie avec l'environnement, dans la forêt, dans les lacs. C'est très, très beau. Il y a une espèce d'adéquation vraiment entre l'environnement et les maisons qu'il crée. C'est lui qui a créé, entre autres, l'abbaye des Moines qui était autrefois à Oka. Ils ont déménagé, donc, et Pierre Thibault s'est assis pendant plusieurs années avec ces moines-là, pour ensemble qu'ils puissent décider du nouveau cadre de vie. Radio-Canada a diffusé il y a quelques années un reportage très beau et très intéressant sur ce déménagement-là, sur la création de ce nouvel espace de vie-là. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, ça a l'air très intéressant. Est-ce que vous saviez que le décor de l'été indien, c'est Pierre Thibault? Oui, absolument. Oui. Oui. Ah, c'est ça, les codes d'écoute. Mettez-vous un décor de même, vous les êtes en or. Et on reconnaît dans ce plateau-là, justement, les lignes très pures. On est beaucoup dans le bois, les lignes très pures, très zen, très dépouillées. Et ça évoque beaucoup l'univers des maisons de Pierre Thibault. On vit là-dedans, j'imagine. Je ne sais pas comment on peut être malheureux dans une maison de Pierre Thibault. Vous avez raison. Je me suis posé la question, mais il y a du monde déprimé dans le film d'Arcand. Oui. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je ne dois pas intervenir. Non, mais il était déprimé un peu. Je me disais, c'est tombé pas la maison. Non, c'est sûr que non. Alors, c'est un livre qu'on joue l'offre. José Lito. Très heureux. Voilà. Alors, on le feuillette et puis après ça, ben, on se rend compte qu'on habite dans des trous à rats. Parlez pour vous. Ben moi, j'ai vu la maison de José Lito quand on regarde l'entrevue avec Pauline Marois. C'est chez vous, José Lito? C'est pas un trou à rats. Je pensais que vous viviez dans un train. Oui. J'ai longtemps vécu dans un wagon, mais il n'y en a plus. Je vous offre maintenant, on était dans la nostalgie de Chambre en ville, et là, je suis dans un très, très gros livre aussi, très présent, qui s'appelle... Il est présent. qui s'appelle Roch de Merce, raconte les contes pour tous. Bon, et là, permettez-moi, José Lito, il faut que vous sachiez une chose. Oui. Jean-Sébastien, quand il fait sa besace, il n'y a pas toujours les livres dans la main. Des fois, je l'oublie au bureau, des fois, c'est lourd à traîner. Et là, il nous présente donc le livre des contes pour tous, mais en fait, c'est l'intégrale de Mafalda qui me présente. Mais c'est à peu près la même... Comment que vous n'avez pas l'intégrale de Mafalda dans votre besace, tant qu'à l'avoir en... Ah, ben je pourrais vous parler de l'intégrale de Mafalda. Mais moi, je pense que j'ai rendu là. Est-ce que vous aimez Mafalda? Moi, j'adore! Mafalda, c'est mon cartoon préféré. Et dans cet ouvrage-là, qui contient sûrement 1000 pages, on a l'intégrale de Mafalda. Un personnage là, savoureux, décapant, un regard acéré sur la société. Absolument! J'ai appris beaucoup de choses aussi sur la géopolitique, sur le cynisme. La moitié de ce que je sais me vient de cet ouvrage. Excusez-moi, gardez-la pour l'autre moitié. Ben Jean-Sébastien est un être très complet, il y a 3 moitiés en lui. Alors voilà, donc je vous recommande Mafalda, ce bel ouvrage. Merci. Voulez-vous y lancer, s'il vous plaît? Voilà, voilà. Non, c'est lui le livre. Sinon, évidemment, je vous parle de ce livre des contes pour tous. Oui, donc, bon, voilà. Roque de Merce enfin. Qui se raconte dans ben ouais. un gros livre de 300 pages. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant. Vous les contes pour tous, évidemment. Ben, je vais vous montrer sur Internet. J'ai l'oublié à la maison. Ah, il est là. Voilà. C'est encore Mafalda. Oui. Mafalda, que j'aime beaucoup. Alors, évidemment, les contes pour tous, pour notre génération, à nous, c'est oui. beaucoup La Guerre des Tuques, ben oui. Bac et Bottine. Mon Dieu, c'était quoi les autres? Ben là, il y a la grenouille, la baleine. Opération Beurre de Peanut. Et ben, pour la nouvelle ouais. génération, c'est plus Un été avec les fantômes, Daniel et les Superdogs et Un cargo pour l'Afrique. Ouais. Alors, je suis content d'appartenir à, à ma génération. C'est quoi votre film pour tous préféré? Bon, moi, j'avais Fierro, l'été des secrets. Avec un cheval, ça. Oui, parce qu'il y avait des chevaux et j'adorais les chevaux. C'est vrai? Mais honnêtement, moi, le film qui m'a fait le plus peur quand j'étais jeune, je sais que c'est niaiseux, mais c'est Opération Beurre de Peanut. Ah oui, avec les cheveux qui poussent. Ouais. Ah ben, les cheveux. Ben voilà. Ah, voilà. Moi, c'était vraiment ça. Mais quel bon film. C'est quelqu'un qui avait eu très peur de je sais pas trop quoi. Et là, il avait trouvé une solution pour que ses cheveux poussent en se mettant une préparation de beurre d'arachide. Mon Dieu, peur de quoi aujourd'hui, Jean-Philippe? Je me mets du beurre d'arachide constamment sur les cheveux. Ça fonctionne, hein, je vais Fred? Vous dire. Moi, c'est pas de répit pour Mélanie. Non, pas du tout, en fait. C'est très drôle. J'en parle parce qu'il y a Vincent Bolduc qui jouait dans ce film-là et qui est votre collègue à l'entrée principale. Oui, ouais, et qui joue dans Tirelire, Combine et compagnie aussi. Mais moi, les comptes pour tous, j'ai connu La Guerre des Tuques, mais sinon, je suis beaucoup trop vieux. Moi, j'étais déjà dans Truffaut et toutes ces choses-là. J'étais déjà dans Truffaut. José Lito, votre film préféré, La Grenouille et la Baleine, parce qu'elle était tournée à Bic, tout près de chez moi, à Matane. Ah, c'est beau. Voilà, avec Marine Orsini, d'ailleurs. Et moi, j'étais en amour avec la petite Fanny Losier. La Baleine aussi, par exemple. Bonne deuxième. Virginie Olivier. Moi, je dirais Les Aventuriers du Timbre Perdu. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais la musique, quand ils voyagent sur le timbre, là, était vraiment weird. Puis aussi, j'essaie de me faire croire que j'aimais collectionner les timbres, mais finalement... Ça n'a pas fonctionné. Donc, dans cet ouvrage-là, on retrace les 25 films. A priori, ça devait être l'objet de 9 films seulement. C'est une série de 9 films. Évidemment, ça a connu le succès qu'on a connu. On a toutes sortes d'anecdotes sur les tournages. On apprend, entre autres, qu'il n'y a personne qui voulait produire ce film-là avec lui, La Guerre des Tuques. On disait, La Guerre des Tuques, c'est arrivé un tout petit peu après E.T. On a dit, après E.T., tu vas avoir l'air un petit peu ticoune avec un film avec si peu de budget, ça va intéresser personne. Finalement, ça a été acheté par des dizaines de pays. On connaît l'histoire par la suite. 25 c'est ans publié, plus tard. Oui, voilà, c'est publié aux éditions Bayard, très intéressant. Et en terminant, je vais vous amener à une chanson qui fait partie du nouvel album des Appendices. Ah, que nos amis les Appendices. J'aime beaucoup. Ben oui. Donc, c'est disponible sur iTunes et quelque part au mois d'octobre sur CD. Ça s'appelle. Merci Facebook. Alors on est sur ICI FM. C'est si bon. La face hein? de José Lito valait 100 piastres. Moi, j'aime ça. Ah, mais les appendices sont tellement drôles. Vous savez, ils ont rapporté un Gémeau. Oui, meilleure interprétation, émission d'humour. Hey, c'est pas rien. On était tous debout en train d'applaudir pour les appendices. Est-ce que vous les aimez, Fred, les appendices? Écoute, c'est pas ma tasse de thé. Bon, mais c'est pas grave. Mais j'aime pas le thé, de toute façon. Juste peut-être mentionner que Jean-Sébastien est maintenant rendu à 34 nouveaux abonnés. Oui, hein, sur Twitter, j'aimerais vraiment être à 4000. Ah, ben vraiment. Et plein de personnalités publiques. Très bien parti. Ah oui, vraiment, là, quelle belle soirée on a. c'est comme un téléthon qu'on fait pour vous, Jean-Sébastien. Ouais. On va y arriver tout le monde, tous ensemble. 3362. OK, en attendant, on va aller écouter un petit Olivier. Là. Vous écoutez La Soirée est encore jeune sur les ondes de ICI Radio-Canada Première, une émission qui trouve qu'un payage de 3,25 pour aller à Longueuil, c'est pas mal cher. Hey! Mon Dieu, Olivier, c'est nouveau? Oui, on innove cette semaine. Ah, parce que c'était déjà, en 5 semaines, on est déjà rendu là. Allez-y. On se tanne. C'était la rentrée parlementaire cette semaine, alors j'en profite pour inaugurer ma nouvelle chronique sur les meilleurs moments de l'Assemblée nationale, parce que vous le savez, l'Assemblée nationale, là, c'est le haut lieu de la démocratie au Québec, ou comme dirait le ministre Bolduc, le haut lieu de la... La démocratie. Voilà qui décrit très bien l'exercice. Et première constatation en regardant la période de questions et réponses, c'est que vous savez les clips de 15 secondes qui nous présentent aux nouvelles pour résumer la journée? Bien, c'est pas mal juste ça qui se passe. Le reste du temps, on fait juste se répéter. Par exemple, chaque jour de cette semaine de 3 jours, Stéphane Bédard a parlé des rumeurs de coupures dans les congés parentaux. Et clairement, le PQ veut se positionner comme le grand défenseur de... je vous laisse deviner de quoi. S'attaquer aux familles, qu'une taxe famille, des coupes dans l'aide aux familles, sur le dos des familles. Les conséquences, c'est pour les familles. Une belle grosse taxe famille. De créer une taxe famille pour toutes les familles du Québec. S'attaquer aux familles, démanteler notre politique familiale. Il veut faire une taxe famille, avoir plus d'argent sur le dos des familles. S'il est intéressé par la famille, s'intéresser à la famille, c'est payant pour le Québec. En s'attaquant aux familles, et évidemment, les familles, elles sont coupées. Il doit nous dire quel service il doit couper aux Québécois et aux familles. La destination pour les familles, c'est de se faire couper actuellement. Un cadeau pour les entreprises payé par les familles québécoises. Je pense que les familles du Québec doivent avoir cette vérité. Est-ce que le premier ministre ferme la porte à une coupure de l'assurance parentale pour les familles du Québec? Bon! Bon. En combien de temps, tout ça, là? Ouais, c'est ça. Moi, ça m'intriguait. C'est en combien de secondes, tout ça? Ça, c'était en 5 minutes, 22 fois le mot famille. En cinq minutes? Hein, je pensais que c'était au cours de la journée, moi. Seigneur. En espérant que ça se rende au TVA 22h. Sinon, il y a surtout des questions des sujets chauds de l'été, comme la prime pas trop remboursée du Dr Bolduc, les négociations entre le Dr Barrette et les médecins spécialistes et les coupures du Dr Couillard. Une belle occasion de nous rentrer dans la tête une nouvelle expression. Le trio médico-libéral. Le trio médico-libéral. Le sinistre trio médico-libéral. Quand? Trio médico-libéral, ça marchera pas, là, ça sonne pas bien. Ça, c'est quelque chose d'autre, genre les docteurs du pare-brise le Québec ou les chirurgiens pas esthétiques, je sais pas. Je suis pas un très bon stratège. Non. Reste que le ministre de l'Éducation a fait l'objet de presque la moitié des questions, ce qui lui a donné l'occasion de s'illustrer. Il avait d'ailleurs d'excellentes sources pour le baquer. Pour vous donner une anecdote, la semaine passée, je me promène au centre d'achat, puis une madame qui m'a arrêté, qui travaillait à la clinique où ce que j'étais, travaille dans une boutique à cet endroit-là. Et ce qu'elle me dit, elle dit, docteur Bolduc, elle dit, c'est vrai, moi, je vous ai vu à toutes les fins de semaine travailler. Je travaillais le samedi puis le dimanche. En passant, si les médecins faisaient comme moi, probablement qu'il y en aurait moins de pénurie également. Oh. Ben oui, un bel exemple pour la médecine et pour la... La démocratie. Non, mais ça doit être vrai qu'il travaille fort. Là. Il y a une madame qui l'a vu au centre d'achat. Oui, c'est vrai. Faut dire qu'après 52 fois à se faire poser la même question, M. Bolduc ne savait plus trop quoi inventer. Même que mercredi, je me suis demandé si je n'étais pas en train de réécouter la journée du mardi sans faire exprès. Mais non, c'était juste les mêmes maudites questions avec les mêmes maudites pas de réponse, genre... Le premier ministre va-t-il aujourd'hui faire preuve de la décence minimale qu'a eu Jean Charest et lui demander de quitter sa limousine? Bon, ça, c'était Agnès Maltais. Oui. Réponse du ministre Bolduc. À partir de maintenant, je me consacre à la réussite scolaire, la persévérance scolaire. Et tout de suite après, encore la limousine. Mais quand est-ce que le premier ministre va avoir la décence minimale qu'a eu son prédécesseur, le premier ministre Jean Charest, de donner au ministre de l'Éducation le choix, sa prime ou sa limousine? Réponse. Consacrons-nous donc à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la persévérance scolaire. On avance, hein? Pour la persévérance parlementaire, ça m'émeut. Bref, c'est comme ça, sans cesse, un feu roulant de rien qui se passe avec du monde qui applaudisse chaque question de leur parti. Ben, à part Québec solidaire, là, ils sont juste trois, ça applaudit pas fort. Sauf que pendant qu'on discute des 215 000 du Dr Bolduc, on oublie qu'il se passe des choses bien plus graves au Québec, comme l'explique Jean-Jacques Sasson du Journal de Montréal. Il y a un lecteur qui me faisait remarquer que la dette du Québec grimpe de 715 000 $ pendant les 45 minutes de la période des questions. Exactement. Et j'ai calculé aussi qu'il y avait 10 bébés qui naissaient au Québec pendant la période de questions. Et c'est aussi exactement le temps que dure un épisode de l'Auberge du Chien Noir sans les publicités. Ah. Toutes des choses qui n'ont aucun rapport avec le fait de siéger à l'Assemblée nationale. Quoique si le trio médico-libéral profitait de ce temps-là pour pratiquer des accouchements, le taux de natalité augmenterait peut-être. Oui, en tout cas, c'était mon résumé de la semaine dans le merveilleux monde de la... La démocratie. Voilà. Alors, la semaine prochaine, maintenant que tous les péquistes sont revenus de leur semaine de relâche en Écosse, je sens qu'on va avoir pas mal plus de pas de réponse à leurs questions. Merci, Olivier. Jean-Philippe, je vous l'avais dit, hein, c'est fini pour les circonstances, pas politiques. Non, on peut pas se lancer en politique. Non, mais on peut pas se lancer là-dedans. Là. Mon Dieu, Jésus. Hey, vous passez des belles semaines, Olivier. Très belles semaines. Hey, on est déjà à la fin de l'heure. J'ai demandé à Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour notre invité José Lito cette semaine? Oui, plusieurs questions. Tout d'abord, une première. Oui, bonjour. Comment se fait-il que vous n'ayez pas pensé à interviewer Jean-Philippe Wauthier dans votre livre sur la popularité? Jean-Philippe, c'est une très, très grosse vedette, peut-être la plus grosse du Québec. Et c'est signé Mme Monique Claveau. Ah? C'est ma mère. Oh, c'est-tu vrai? Je suis sûr qu'elle n'a pas écrit ça pour vrai. Elle a bien trop de fierté. moi, je dirais qu'il faut atteindre un certain niveau avant de faire partie du livre. J'ai dit, on peut arrêter. De toute façon, il y a déjà la misère avec ces questions, mais je vais répondre. Moi, j'aurais jamais osé dire ça de même. Non, mais un peu plus tard, peut-être, Jean-Philippe. Oui, dans 6-7 ans, là, si vous faites encore des livres sur la gloire, pour la célébrité, ben, parfait. Vous êtes bien fin. Une autre question, Jean-Philippe. Tantôt, je vois une dame en face de moi, je fais, mon Dieu, qui ressemble à Monique Simard. C'est juste de réaliser qu'on a Monique Simard tantôt dans la deuxième heure. J'en repère beaucoup. Dernière question pour vous, José Lito. Oui. Qui nous vient de Christian Gaudreau. José Lito Michaud, quand est-ce que vous allez vous présenter en politique? Ah, la bonne question. Jamais. Mais jamais. Non, c'est, je trouve ben oui. Jamais. Impossible. Si vous aviez tentativement à vous présenter, ce serait pour quel parti au Québec? Aucun des partis présents. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Est-ce que vous avez été donc aussi objectif avec Pauline Marois que l'a été Yves Desgagnés dans son documentaire? C'est maintenant les informations. Non. En tout cas, moi, vous ne connaîtrez pas mes intelligences politiques, puis je n'ai pas de jugement porté sur rien. Mais j'ai posé des questions qui devaient être posées. Mais non, jamais en politique. C'est impossible. Je trouve que c'est un métier cruel. Moi, je pensais que le show business était cruel. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec la politique. Ben, la politique, c'est terrible. C'est ça, la démocratie. Oui, je veux dire. Mais en même temps, il y en a qui méritent, des fois, de se faire rentrer dedans un peu. Là. Mais il y en a d'autres qui ne méritent pas ça, puis c'est très difficile. Voilà, ben, merci beaucoup d'être venu voir, José Lito. Ça fait un plaisir. On écoute votre entrevue avec Pauline Marois demain soir. Et on écoute vos prochains documentaires sur la gloire quand? Le 27 octobre à Télé-Québec, 4 fois 1 heure. Parfois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Une bonne semaine. Merci. Merci tout le monde. Eh bien, nous, on s'en va écouter les nouvelles attentivement. Attentivement. Il y aura des questions au retour. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Deuxième heure de la soirée est encore jeune, toujours en compagnie de Fred Savard, ouais. Jean-Sébastien Girard, bonjour. Olivier Niquette et s'ajoute autour de la table très cultivé Marc-André Lucier. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Vous êtes de retour du TIFF, évidemment. Oui, on va fait. Parler de cinéma. Mais avant, je voudrais aller faire un petit tour au Téléthon, Jean-Sébastien, pour les abonnés de Twitter. Oui. Parce que c'est important. Qu'on le rappelle, hein, je suis celui qui est le moins suivi sur Twitter. 3383 personnes, c'est quand même 52 personnes de plus qu'en début d'émission. Et j'ai même des qui me suivent depuis quelques minutes. André Robitaille, il était temps qu'ils me suivent. Ben oui. Marc-André Lucier, qui a commencé à me suivre aussi. Et il y a quelqu'un ici qui s'appelle The Rider Mo, qui m'a écrit « J'ai ouvert un compte Twitter juste à cause de toi ». Ah, mais c'est très, très gentil, ça. Oui, voilà. Ah, oui. Alors, merci. Et j'invite les gens, évidemment, à m'ajouter J.S. Girard. Et j'invite à souper la 4000e personne qui va me suivre. C'est voilà. Ça? Oui. Ah, mon Dieu, c'est comme un vrai Téléthon, il y a les pompiers de la Norée qui lancent un défi à tous les autres pompiers de s'abonner à Jean-Sébastien. Oui, tous les pompiers pourraient me suivre. Mon Dieu, que c'est niaiseux. Olivier, on avait une question du jour que vous nous rappelez, s'il vous plaît. Oui, c'était des milliers de personnes marchent aujourd'hui dans le monde pour le climat. Êtes-vous pour ou contre le climat et pourquoi? Alors, on a Louis qui nous dit « Moi, je suis pour le climat. Sans lui, je n'aurais à peu près aucune conversation avec mes collègues de travail qui n'ont aucun point en commun avec moi. » On a aussi Jérémy qui dit « Contre, pendant ce temps-là, Guy Turcotte est en liberté. Oh. » Franchement... On a Frédéric qui dit « Je suis pour la climatisation. Benoît, ça me laisse ni chaud ni froid. Alexandre, mon opinion sur le climat est tempérée. » Et Simon qui nous dit « Oui, mais juste en avril. » Ah, mon Dieu! Ça doit être sa fête. Parlant de climat, Marc-André Lucier, vous êtes un hater de l'été, comme on dit. Hein? Vous haïssez l'été. Et je m'assume. C'est vrai? Oui, tout à fait. Alors, là, j'arrive à... Ma saison préférée arrive. Là. L'automne puis l'hiver? L'automne puis le printemps. Attends, l'hiver, l'automne a commencé depuis juin. Alors, j'aimerais faire un nouveau Téléthon. Tous ceux qui détestent l'automne, l'hiver et le printemps se désabonnent du compte Twitter de Marc-André en représailles contre ces idées complètement folles. Vous êtes de mauvaise foi. Je le sais. Avant de parler... D'ailleurs, je ferai remarquer aux auditeurs que vous portez encore le short. Oui. S'il fait 20 degrés plus, je porte le short. C'est le short ajusté, hein, j'en ai parlé. Oui. Avec des jambes... Oui, mais c'est Jean-Philippe. Oui, oui, c'est ça. Avec des jambes comme ça, je pense que tout le monde porterait le short. Merci beaucoup, Marc-André. On se calme, on se calme. Il y a deux filles qui ont applaudi. Je les remercie énormément dans la foule. À la maison... Il y a un monsieur aussi. Je sais qu'à la maison... Un pompier. Je sais qu'à la maison, vous préparez là, pour avoir la chronique des films plates de Marc-André Lucier. Mais je vous prierais d'attendre un peu parce qu'avant, on va inviter notre deuxième invité qui en connaît pas mal sur le cinéma. C'est aussi, vrai. Hein. Fred, présentez-nous notre deuxième invité. Productrice, actrice, ancienne députée péquiste dans les années 90, elle dirige maintenant les destinées de la SODEC. Accueillons Madame Monique Simard! Ah! Madame Monique Simard, bienvenue à la soirée, t'es encore jeune. Merci de m'avoir invitée. Ben voyons, c'est vrai que vous vous ressemblez beaucoup. Hein? C'est Jean-Sébastien qui le notait à la fin ben de l'heure. Oui, hein? Ben, je suis contente de ne pas vous dérouter trop. Est-ce que vous vous connaissez, Marc-André et Madame Simard? Bien sûr. Ben oui, bien sûr. On se fréquente dans les premières de films. Ben je lis ses chroniques. Ah oui? Il peut critiquer les choix de la SODEC. On fait ça en toute amitié. C'est vrai? Est-ce qu'il écrit de bonnes chroniques, Marc-André? Soyez honnête. Là. Mais je vais être honnête? Oui. Oui. Ah, OK, c'est correct. Bon. Non, mais merci de venir nous voir. On vous a promis qu'on n'allait pas parler du FFM. Et non, on n'en parlera pas de ce festival qui vaut plus une scène. Hein, Monique? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Philippe? Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Philippe? Je sais pas. Là. Je lançais ça comme ça. Non, mais on tire pas sur une ambulance. C'est ça qu'on dit souvent. De toute façon, il est terminé. Il a commencé aussi? Ben non, mais l'édition de cette année est terminée. Ah, OK. Est-ce qu'il va en avoir une l'année prochaine? Quelle bonne question, Marc-André, parce qu'on peut pas poser C'est un suspense à tous les ans. Ouais. C'est vrai, bon. C'est donc niaiseux, ce sujet-là, quand même. Hein. C'est vous qui l'avez amené. Hein. Vous êtes allé à Toronto, Marc-André. Oui. Vous êtes allé à Toronto? Oui, oui. Est-ce que c'était bien le festival, le TIFF, cette année? C'était bien parce qu'il y avait 30 films québécois. Ah, mon Dieu! Oui, oui. 12 30 films? 30. Ben oui, parce qu'il y a des courts-métrages. Ah, ben oui, c'est vrai. Il n'y a pas que des longs-métrages, ben non, Marc-André. Je sais c'est les snobs. Hein? Et puis, tous ceux qui connaissent un succès aujourd'hui ont commencé par des courts-métrages. Tout à fait. Il y a Falardeau à Villeneuve, ils en ont tout fait. Alors, c'est bien, ça, des courts-métrages. Hein? Quand on va voir un film, là, puis qu'on commence... C'est merveilleux, les courts-métrages. Ah, tu sais, ça se déguste. Ça m'étonne, ça. Ah, c'est comme une première partie. J'ai pas payé pour ça. J'ai pas le temps de voir ça. Moi, je m'en souviens de l'époque du cinéma où il y avait deux films. Moi, j'ai connu ça dans les années 90. Je sais, moi aussi. Il y avait deux films. Alors, pour venir au titre. Au chèque cinéma bijoux. Pour venir au titre. 30 films, il y en avait 12 longs-métrages. Puis il y avait 18 courts-métrages, il y a de l'animation là-dedans, enfin, il y a un tas de films. Mais je dirais que ce qui est le plus frappant, c'est la jeunesse des réalisateurs, des producteurs, des films choisis cette année. C'est absolument épatant. Oui. Et donc, il y avait une bonne ambiance. Et le TIFF, c'est énorme. Cette année, il y avait... Ben, c'est ça le problème. Ouais, c'est qu'il y a 285 longs-métrages déjà à Toronto. Travaillez, Bondance. Vous passez votre année à Los Angeles, voir Transformer 3. Non, on est rendu au 4, mais des pense. Belles découvertes, hein, parce qu'en plus, j'ai pas compté là-dedans les trois films qui étaient des films américains, mais réalisés par des Québécois. Par les Québécois, ben oui. De Philippe Falardeau, Jean-Marc Vallée, puis Jean-François... François Girard. Ouais. Et donc... il y avait un buzz autour du Québec, faut l'avouer. Mm-hmm. Puis ils n'ont pas l'air à trouver ça plate là-bas. Ah, mais ça, même c'est une bonne question. Même, il y avait un film formidable qui va sortir l'hiver prochain, Corbeau, le film de Mathieu Denis, qui raconte la genèse du FLQ. Et à Toronto, il y a eu un buzz autour de ce film-là, puis ils se sont intéressés. Ils ont peur encore, mais... C'est celui de Maxime Giroux aussi, je crois. Félix Émeraude. Oui. Alors, exactement dans... Le quartier où se déroule l'émission aujourd'hui, eh bien, ça se passe ici. On peut reconnaître des commerces et devantures. Puis on l'a pas vu venir, ce film-là. Pas du tout. Non, et qui a gagné le prix du meilleur long-métrage canadien. Ça a été choisi par un jury composé de 4 personnes. Mais c'est un rayonnement formidable que ça donne à ce film-là. Ça raconte quoi, ce film-là? C'est une espèce... c'est une histoire d'amour... improbable et impossible entre un Québécois qui est un petit peu retiré, marginal, qui est interprété par Martin Dubreuil, qui est formidable, et une juive assidique qui vit dans ce quartier et qui, évidemment, est déjà mariée. Et donc, ça ressemble un peu au roman de Myriam Beaudoin, Adassa. Ah! OK, bon. Ben non, mais Non, mais. On admire votre culture, Frédéric. Mais non, mais c'est moi, je viens de finir. Non, pour je ça. Sais ce que ça, tu ça veux dire. Ça m'a frappé quand j'ai lu parce que c'est un. C'est en plein cœur de Montréal. Ouais. Une communauté, là. Moi, j'habite dans ce quartier-ci depuis 73. Ouais. Ça vous révèle... votre âge. Vous êtes né en 73. C'est parfait. Ça, c'est ça. Ouais. Et c'est... Il y a une part d'inconnu réel. On ne pénètre pas dans les maisons. On les voit défiler dans les rues. Les femmes et les hommes ont des habillements tout à fait particuliers. J'ai un ami qui disait... À chaque fois que je vais dans ton quartier, j'ai l'impression d'être dans un pays étranger. C'est un peu vrai. Et donc, il y a la curiosité. Et ce qui est frappant de ce film, c'est pourquoi il est si bien fait, c'est qu'un des acteurs principaux et un des rôles secondaires, ce sont deux jeunes acteurs formidables, d'ailleurs, qui ont été élevés dans la religion et dans la société hassidique, ils en sont sortis. Donc, ils ont pu donner toutes sortes de conseils aux réalisateurs et aux autres, et à l'actrice principale. Et on est dans la vérité aussi. On n'est pas dans le cliché du tout, et des idées reçues. Je trouve ça bien le fun, vos petites discussions, là, mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont faire de l'argent, ce film-là, au box-office? Pas beaucoup. Il va vendre son film. C'est-à-dire qu'au box-office, peut-être pas, mais c'est un film qui va se vendre dans d'autres pays. Ça, j'en suis à peu près certaine. Et qui va circuler beaucoup dans les festivals. Parce que un des objectifs que vous vous êtes donné quand vous êtes arrivé à la SODEC, c'était d'augmenter la part de marché des films québécois de 5,6% à 11%. Donc, à peu près de la doubler, en gros. D'ici quatre ans, d'ici la fin de mon mandat. Je ne vais pas dire en un an. Là. Fait que vous, la première année compte pas. Là. Tout ce qui sort cette année et qui sortira l'an prochain sont pas de mon cru. Ça a été décidé avant que j'arrive. Mais là, quand même... Je m'en sors bien, tu trouves? Mais c'est vrai! Regarde, en ce moment, il y a des films qui sortent de l'ONF. Ouais. Je suis pas là pour monter et chercher le prix, mais ça a été déclenché quand j'étais là. Donc, dors, Nicole, c'est pas de votre faute. Hein, pardon? Tu dors, Nicole, c'est pas de votre faute. Malheureusement, c'est ça que je l'aurais choisi. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est de votre génération. J'aurais dû aimer ça. J'ai trouvé ça délicieux. Puis Jean-Sébastien, non? J'ai des réserves, mais dans l'ensemble, chapeau. Bon. Mais là, bon. Mais, belle langue de bois. Est-ce que vous avez ri Tu dors, Nicole? Ben oui. Bon, mais moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle, fin, touchant. J'adore Stéphane Lafleur. Alors, j'aimerais poser une autre question, si ça ne vous dérange pas. On était bien parti là. Non, je sais, mais c'est pas votre entrevue, Marc-André. Ah bon, excusez. Hein? Non. On était trop bien parti. Justement, ça dérange l'animateur. Vous pouvez bon bonifier l'entrevue, Marc-André, mais pas la fin pour Mme Simard. je me pose une question toute simple, hein, parce que vous dites que la télévision et le cinéma, c'est deux mondes. Au Québec, on est un petit marché. Vous dites aussi que c'est pas parce qu'une vedette de télé va nous proposer un film qu'on va nécessairement l'apprendre, et c'est surtout pas parce qu'une vedette de télé qu'une vedette est une vedette de télé va réussir un film et va devenir une vedette de cinéma. C'est vrai. Bon, on nommera personne, mais supposons qu'on nommait Guillaume Lepage. Cela dit, qu'est-ce que vous faites, vous, pour discerner qu'est-ce qui est un bon scénario pour la télé et qu'est-ce qui est un bon produit pour la télé et un bon produit pour le cinéma? Bien, d'abord, la SODEC, on ne soutient pas, on n'analyse pas les séries télé. Non, okay? C'est clair. Non, mais c'est une autre écriture, c'est une autre façon de jouer, c'est un autre rythme. C'est une autre proximité avec la caméra. Et donc, il y a des acteurs qui excellent en télé, puis bon, dans des séries, tout ça, mais qu'ils n'arrivent pas à soutenir peut-être un rôle pendant une heure et demie dans un film. Alors, c'est l'écriture aussi. Des scénaristes de télévision qui sont extraordinaires ne sont pas nécessairement capables d'écrire un film qui se tient pendant 90 minutes. L'humour. Parlons-en. Ben oui, vous êtes plusieurs d'entre vous là-dedans. Là. Hein? On excelle. Vous êtes tous là-dedans. Non, okay? C'est Fred qui écrit. Nous, on est très sérieux. Sinon, Mais l'humour, on est excellent dans l'écriture de stand-up, de sketch, etc. Là où on a beaucoup de difficultés, et moi, je pense que probablement ce qui est le plus dur à écrire, c'est un 90 minutes de comédie, là, que ça se tient d'un bout à l'autre, drôle. Ça, c'est difficile. Mm-hmm. C'est un rythme, il faut soutenir ça, il faut écrire des livres, il faut écrire des rôles qui tiennent la rampe. Et ça, ça se fait. Parlez pas de dog, là. Non. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais non, c'est dur. Non, mais moi, je le dis, que ça fait longtemps que c'est arrivé. Quand on parle des films plates, pourquoi c'est juste des films tristes et dramatiques, bon, il y en faut, il faut des équilibres, tout ça. Mais quand on dit qu'il faut un équilibre, il faut des comédies. Et il en faut des bonnes, et pour en avoir des bonnes, il faut avoir des bons scénarios. On peut... parfois faire un mauvais film avec un bon scénario, mais l'inverse, ouais, là, c'est bien rare. Ben ça, c'est intéressant parce que un des objectifs, justement, c'est de donner un de vos objectifs, c'est de donner un support à l'écriture de, oui, scénario. Est-ce que c'est ça qui est le problème en ce moment? C'est un des problèmes identifiés, puis c'est un des gros problèmes, ouais, et c'est vrai partout dans le monde, mais ici, je pense qu'on va changer, on va annoncer ça bientôt, on va changer un certain nombre de règles pour soutenir l'écriture. On va faire ça moins, je dirais, steak bled and patate. Ça, c'est plus le rôle de la télé dès janvier à Radio-Canada. Non, mais c'est-à-dire les mêmes dates de délai, les mêmes. Il faut déposer à tel moment, on reçoit ci, etc. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même rythme d'écriture, c'est pas la même. Les gens ont besoin de conseils. Un métier qui est rare, hein, qui est la conseiller à la scénarisation, il y en a très peu qui font ça ici au Québec. On parle souvent de Valérie Beaugrand-Champagne. Oui. Mais ça, c'est un métier qui, dans d'autres pays, est un métier à temps plein. Toute une vie, c'est ce qu'on fait. On a besoin de ça. Moi, je veux organiser des ateliers de scénarisation de comédie. Je veux faire vraiment des ateliers de formation pour qu'on... Parce qu'on ne peut rien faire, nous. Quand tu arrives à la SODEC, c'est un scénario qui arrive. Mais s'il n'arrive pas le scénario de comédie, on ne peut pas décider d'en faire. Se peut-il que pendant longtemps, je dis que c'est un problème, mais c'était les réalisateurs qui arrivaient, qui faisaient le scénario aussi. Peut-être le métier de scénariste de cinéma... Ça n'existe pratiquement pas au Québec. C'est très rare. Bon, il y a eu Marcel Beaulieu à l'époque. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est assez rare. C'est ça. Et un métier de scénariste, par exemple, souvent, un scénario va être retravaillé 10, 15, 20 fois, et c'est pas certain qu'il va se rendre en production, mais c'est un vrai métier. Ouais. Souvent, les grands écrivains ont été des scénaristes, pas nécessairement des réalisateurs. Alors, là, je pense que les choses vont peut-être changer. Regardez Tom à la ferme, qui a été réalisé par Xavier Dolan, mais pas écrit par Xavier Dolan. Bien, co-écrit. Co-écrit. Il a co-écrit avec Michel-Marc Bouchard. Les films que viennent de tourner Jean-Marc Vallée ou Philippe Falardeau, les scénarios ne sont pas de eux. Ou même Denis Villeneuve. Non, mais c'est plus comme ça, c'est ça a deux, été longtemps comme ça. Films. Ouais. Ben, et ça commence, parce que c'est des talents différents. Ouais. Le cinéma, c'est un sport d'équipe. Hein? Ouais. Et puis, il faut des talents à chaque poste. Ouais. Cela dit, comment on évalue un scénario alors que souvent, un scénario et un film, c'est quelque chose d'extrêmement différent dans le langage, dans l'écriture cinématographique. Ça, je pense que c'est la partie qui est peut-être la plus difficile à évaluer. Ça, c'est pas évident parce que... Ah, mais, parce qu'en fait, quand vous recevez le scénario d'Hot Dog, là, je veux dire, vous l'avez, le scénario d'Hot Dog, là? Je veux dire, t'sais... Alors, je vais passer mon tour, je n'étais pas là. Ah, OK, d'accord, d'accord. Non, mais c'est parce que peut-être qu'il y a des gens qui lisent mal... Je pense qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs qui sont commises probablement chaque année. Tu vas recevoir 50, 60 propositions. D'abord, il faut savoir lire un scénario. C'est ça. Un scénario, ça ne se lit pas comme un roman. Là, hein? C'est une autre écriture, il faut savoir le lire. Mais on essaie, en tout cas à la SODEC, il y a au moins une dizaine de personnes qui lisent chacun des scénarios. Il y a une grille d'évaluation, il y a un classement. Tout ça... dans le but aussi d'avoir des propositions équilibrées, c'est-à-dire pas quatre drames d'un père avec son fils ou le fils avec son père, mais trouver des genres. Ici, par exemple, je parle de la comédie, mais on n'a pas de très bonne écriture en science-fiction, on n'a pas une très bonne écriture en cinéma policier. Ça aussi, c'est des choses à travailler, du cinéma de genre. Oui, mais cela dit, c'est du cinéma qui demande de grands moyens. T'as raison. Ouais. Quand on vous envoie des scénarios, est-ce qu'il y a des intentions de réalisation aussi? Parce qu'on faisait des blagues avec Stéphane Lafleur, mais effectivement, Stéphane Lafleur, c'est beaucoup un univers, c'est une couleur, c'est une image. Est-ce que le scénario suffit à comprendre le souffle qu'on veut proposer? Il faut. On évalue le scénario, l'intention de réalisation, évidemment, le nom du réalisateur, qui, son œuvre et tout ça. Aussi... tout le montage financier, la crédibilité de la maison de production, le plan d'exploitation. J'appelle plus ça distribution maintenant, moi j'appelle ça exploitation. C'est-à-dire tout le plan de promotion, de marketing, de vente. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant. Le film va sortir la semaine prochaine, on va commencer à l'annoncer deux semaines d'avance. Non. Il faut, à mon avis, commencer au moment où on a décidé que ce film va se faire, commencer à en parler, utiliser les réseaux sociaux, déjà développer... pour développer une auditoire pour ce film-là. Mais Monique Simard, avec l'arrivée, par exemple, de Netflix, c'est arrivé cette semaine en Europe, en France, et ça a fait vraiment beaucoup de battage. Hein. On a beaucoup, beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Nous, ici, ça fait quand même un petit bout que c'est là. Mais c'est quoi la stratégie? Vous avez géré l'UNESCO, vous avez... L'ONF. Pourquoi j'ai l'UNESCO en tête? Vous avez géré la transition de l'ONF vers l'Europe. J'aurais aimé ça, mais non, j'aurais pas aimé ça. Non, c'est pas le fun. Mais vous avez géré la transition numérique de l'ONF. Qu'est-ce qu'on fait avec Netflix, qui est dans le paysage plus que jamais? Et puis, on peut pas compter le 5,6% de part de marché du cinéma québécois juste avec le box-office. D'abord, le phénomène, je dirais, des services du type Netflix avec abonnement, ils sont répandus partout. Puis pas seulement en cinéma ou en télé. Tu vas voir ça en musique ou dans le livre. Par exemple, maintenant, Amazon, pour 9$ par mois, tu vas avoir accès à 600 000 livres. La musique, la même chose. Donc, il y a vraiment... Une transformation profonde dans la façon dont l'offre culturelle est reçue et consommée. Et il y a l'explosion, particulièrement depuis 2008, de tous les écrans. Alors, tu as le mobile, c'est depuis 2008. Bon, tu as le net depuis au moins 15 ans. Mais tout ça a fait que maintenant, l'offre, elle se déploie partout. Donc, il faut s'ajuster à ça. Netflix, c'est un problème... Je comprends, parce qu'ils ne payent pas de taxes en France et tout ça. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable comme une autruche. Hein? Si les gens préfèrent regarder chez eux un film en pyjama avec leur verre de vin, il faut prendre ça en compte. Il faut le prendre à bras de corps et dire, ben, c'est comme ça. L'important, c'est qu'ils regardent ce qu'on produit ici sur leur écran aussi. Donc, moi, je trouve que des mesures, je l'ai dit, la mesure du box-office, à mon avis, est une mesure qui est dépassée. Ben, c'est ça. Comme en télévision, on a changé les mesures et les codes d'écoute. Il faut changer cette mesure-là parce qu'elle ne correspond plus à la réalité. On le dit souvent ici, hein, on n'a peut-être pas beaucoup de gens qui nous écoutent, mais c'est la qualité des gens qui nous écoutent. Oui. Et ça, c'est important. Et c'est très, très important. Mais c'est des gens en pyjama dans leur travail. Mais en pyjama aussi. Oui. Madame Simard, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va avoir la chronique de Marc-André sur les films plates. Et c'est vraiment toujours très, très intéressant. Vous allez rester avec nous. Lui n'est pas plate, Marc-André. Ah non. C'est pas sa faute à lui, ça, s'il s'intéresse aux films comme ça. Ni la mienne. Ah, parfait. Ben, entre deux, on va aller voir la circulation et la météo. La circulation. La météo et la circulation, Frédéric Savard. Oui, bien, la circulation, il y a Sébastien à l'épicerie de Napierville. Circulation fluide dans la rangée 5. Là, il y a un embouteillage dans le surgelé. Ah, voilà, c'est ce qui se passe. Élodie qui nous dit qu'elle et son conjoint Félix sont sur la 15 en direction sud. Il y a des grumeaux de congestion. Alors, pas une bonne idée de passer ici le dimanche à 17h en même temps. Il n'y a rien comme la congestion sur la 15 pour écouter l'émission. Exactement. Hein? Moi, il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est très, très relaxant d'être dans une congestion avec la soirée. Marc-André Bourassa qui nous dit que sur la rue principale au Bic, c'est assez tranquille et fluide car peu de véhicules y passent. Quelques cyclistes, mais sans plus, émission de service. On n'a pas le choix, il faut les passer. Patrick Saint-Pierre, la circulation à Venise est tranquille depuis que l'annonce de Trivago ne passe plus. Ah, voilà. Merci, Patrick. Oui. Et à Whitehurst, toujours moins 7. Toujours 7, en fait. 7, OK, d'accord. On s'intéresse beaucoup à Whitehurst ce soir. Ben, vous savez que c'est l'endroit de rêve de Marc-André Lucier. Hein? Vous aimeriez vivre à Whitehurst, j'imagine. Peut-être pas. Arrêtez donc. C'est toujours la température pour vous. Oui. Vous me permettez que je passe à Marc-André Lucier? Ben oui. Ah, il y a tellement de anniversaires? Ah, pas tout de suite. Ça va tout de suite, un peu plus tard. Marc-André, je suis désolé, hein, Jean-Sébastien, j'espère que ça vous dérange. Mes excuses, je suis plate. Ben non, c'est pas grave. Dès qu'on termine Marc-André, on va aller aux anniversaires de la semaine. Est-ce que ça vous pas de problème. OK, parfait, génial. Marc-André, on le disait, vous êtes revenu du TIFF et vous avez évidemment vu plein de films plates. Je me demande, vous voulez nous parler de quoi cette semaine? Ben, moi, je me demandais si vous étiez allé voir Mamie ou si vous aviez l'intention d'aller le voir. Moi, non. J'étais curieux de savoir quel est votre rapport au cinéma québécois. Je n'ai pas encore vu Mommy et je pense éventuellement aller le voir. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu ici, évidemment, moi, Jean-Sébastien Girard? Moi, j'ai vu Mommy que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bon. On avait fait un vu-pas-vu avec Fred, qui avait détesté. J'étais sorti avant la fin. Qui avait détesté. Ben, je peux aller. Mais c'est tout sauf plate. Ah! Ben, c'est ça. Et je pense que ça risque d'être un des films qui peut-être réconcilier justement le public québécois avec son cinéma national. Les salles sont pleines, les gens. Oui, les premiers rapports qu'on a sur le week-end, en tout cas, on s'enligne vers le meilleur démarrage pour un film québécois cette année. Okay. Et j'ai l'impression que le bouche à oreille va être bon, là, même si, évidemment, le cinéma de Xavier Dolan ça peut diviser. Puis moi, je peux comprendre qu'on puisse être exaspéré parfois par son côté excessif, ouais, et tout ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans Mommy qui vient atteindre quelque chose de profond chez les gens. Peut-être plus rassembleur que les autres aussi. Oui, plus rassembleur aussi. Puis je pense qu'il y a une volonté de sa part, ouais, aussi d'être plus rassembleur. Ouais. Mais ça risque de marcher. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que avec 1987 et Mommy, ça va faire comme deux succès en ligne, oui, pour le cinéma parce québécois. Parce que 1987, c'est pas plate. Avouez, non. Je ne l'ai pas vu, mais... un film de gars comme vous, là, pour vous, fait pour vous. Là. De notre époque, vous êtes en plein le public cible. Là. Vous l'avez vu, Fred? Oui. Avez-vous ri? Pas pire. Pas pire? Oui, oui. Bon. Ben c'est sympathique. Mais c'est sympathique, tout à fait. Ben oui, ben c'est oui, ça. Ben oui, c'est un film grand public. Oui. Moi, j'étais voir ça un après-midi. La salle était pleine et ça riait en masse. Oui, oui. Mais c'est un fait que, bon, au cours des dernières années, des récentes années, je dirais, il y a eu comme une espèce de désaffection du public québécois envers son cinéma, qu'on s'explique mal, parce qu'il y a eu de très beaux films. Oui, mais attention, attention. Attention, là, parce que ma job, c'est de lire les rapports, oui, les chiffres, les statistiques d'un petit peu partout dans le monde. Et la désaffection, je dirais, la baisse d'auditoire pour le cinéma national, c'est un petit peu partout dans le monde, sauf exception. Ah oui, ça c'est généralisé. Oui. Parce que les gens vont au cinéma, continuent d'aller voir au cinéma, mais il y a quand même des baisses. Et les 10 films en 2013 qui ont le mieux marché dans tous les pays, c'est les mêmes 10 films. Ah oui, et des suites américaines. C'est Gravity, oui, c'est toujours les mêmes 10 films. Alors, si les gens vont au cinéma une fois par mois, ben ils vont aller voir ces films qui ont une valeur ajoutée en salle. Mm-hmm. T'as des effets spéciaux incroyables, le son... Le 3D. C'est-à-dire que le 3D... Oui, donc, et déjà que le 3D, le billet est plus cher. Alors, ça dope les statistiques un peu. Et donc, t'as des choix qui se font. Alors, à l'exception de quelques pays, il y a une baisse partout. Et si un cinéma national fait très, très, très bien, là, il fait 15%, 16%, il fait pas 50%. Et ça, c'est vrai au Japon, comme c'est vrai au Brésil, comme c'est vrai en Europe. Alors, moi, je dis pas qu'il faut baisser les bras ici, pas du tout. Moi, ma job, au contraire, c'est de faire que le monde voit les films qui font... D'abord, de soutenir des bons films québécois, des productions, et puis de voir que le monde les voit. De les rendre accessibles. Mais aussi, je suis réaliste par rapport à la multiplication des écrans, comment se fait l'offre et comment se développe. On dit aujourd'hui que celui, au fond, qui décide de tout, c'est les consommateurs. Ça, les rapports ont changé. Tu décides ce que tu veux voir, où tu veux le voir, sous quel format, combien tu veux payer. C'est ça qui domine Marc-André, désormais. Marc-André Lucier, je vais donner votre chèque de paye à Monique Simard qui fait votre job. Là. Bon, parfait. Okay? Mais je n'ai rien contre. Je m'excuse, Marc-André. Je ne savais pas que je t'ai payé. Moi, je ne le suis pas, en tout cas. Donc, l'économiste, peut-être. Mais ce que je trouve insidieux dans ce phénomène-là, c'est que, quand on voit un film plate américain, ça arrive, hein? Tu sais qu'ils en produisent. Ben oui, en masse. Ça n'entache pas la réputation du cinéma américain auprès du public, mais aussitôt qu'un film provient d'une cinématographie nationale comme le Québec, par exemple, et que ça arrive que le film est moins réussi, ah ben là, c'est comme on met tous les films québécois dans le même panier, et puis on sait bien que tous les films québécois, c'est plate, et puis c'est mais probablement parce que c'est une industrie qui est financée par le public. Tout est financé par le public. Oui, la culture, ici... Au Québec. Et partout. Oui. En Europe il faut, aussi. Sinon on meurt. Et dans le reste du Canada. Il faut aussi remettre des pendules à l'heure sur ces choses-là. On a ici des politiques culturelles depuis fort longtemps, comme dans la plupart des pays européens, comme dans d'autres pays, où tu as du soutien public pour la production à la fois de cinéma, l'édition, la musique. Et c'est correct comme ça. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'offusquer de ça. Parfois, il faut revoir les programmes. Il faut recenser les choses, rebrasser les cartes. Mais ce principe-là, je pense qu'il ne faut pas le remettre en question. Et dans un territoire où on produit, quoi, une trentaine de longs-métrages de fiction par 25, année, à peu près 25. Franchement, la moyenne au bâton est assez respectable. Oui. Et puis, la cinématographie québécoise voyage partout à travers le monde. Elle n'a jamais autant rayonné. Et pourtant, c'est dans son propre territoire qu'il y a un petit souci, comme disait Français. Il y a parfois, je lis des articles, puis je quelqu'un me dit, tel film, c'était tellement plate. Je ne dirais pas, qui est un animateur? Je ne vous ai jamais envoyé d'email comme vous, ça. Non, c'est pas vous. Ouais. J'ai dit, est-ce que tu as vu le film? Dis non. Mais je dis, comment vous pouvez dire à votre micro que le film est plate alors que vous ne l'avez même pas vu? Est-ce que c'est Benoît Dutrisac? Je dis rien. je nomme même pas le sexe de la personne. OK, d'accord. Mais cette, on dirait qu'on y a des gens qui se... Ils se font plaisir. Oui, on se complaît à dire. Ben oui. On se complaît à planter le cinéma. C'est pas drôle de faire ça. Mais vous savez, le travail de Marc-André, un jour, quand il fera une chronique ici, ça sera de nous expliquer, ça sera de me convaincre qu'effectivement, le cinéma québécois n'est pas plate. C'est ce qu'on fait presque. Ben quoi, ça, vous allez venir une fois par mois au moins pour m'expliquer à quel point le cinéma n'est pas d'accord. Je suis libre le dimanche soir. Hein? Ah, vous êtes libre? J'habite pas loin, moi. Ah, oui? 5 minutes. Oui, je peux venir. Ah, mon Dieu, soir. Vous coûtez bien moins cher que Marc-André. D'ailleurs, Marc-André, vous y ferez un petit chèque de 100$. Là. D'accord. Parfait. Vous restez avec nous quand même, hein? Oui. Parce que Fred va nous faire l'histoire du cinéma québécois tout à l'heure. Vous pourrez noter, voir s'il fait des erreurs et tout et tout et tout. Jean-Sébastien, on parlait des anniversaires du jour. Il y en a, j'espère, des anniversaires. Absolument. Hier, un anniversaire samedi, c'était l'anniversaire de la petite Marie-Lou. Ah! La fille des petits jus. Oui, ben oui. Bonne fête. Alors, bonne fête, Marie-Lou. Marie-Lou a eu 24 ans seulement. Mon Dieu, qu'elle est jeune, hein? Oui, on a... Il y a des gens qui réussissent beaucoup plus prématurément que d'autres. Je sais, On a l'impression parfois qu'elle a 40 ans à cause de sa belle maturité. Ouais. Ou encore 90 ans à cause de ses beaux champs d'intérêt. Marie-Lou, elle est vierge et son signe chinois est cheval. D'accord. Parce que son année de naissance est 1990. Également, c'est aujourd'hui l'anniversaire du présumé humoriste Guy Nantel. Qui célèbre ses 46 ans et son signe chinois est singe parce qu'il est né en 1968. Et c'est étonnant parce que généralement, un singe, on dit que c'est drôle. Ça n'a pas de bon sens. Merci Bonne beaucoup, fête, Guy. Jean-Sébastien. Merci énormément. Oh, mon Dieu! Ah. C'est ce que c'est, ça? Mon segment préféré. C'est mon moment préféré également. C'est notre petit quiz, hein, où on pose des questions à tous les gens autour du plateau ici et même les gens dans la salle. Hein, et on pose cette question toute simple à chaque fois qu'on parle de notre bonne vieille télé. Coudonc, cette actrice-là, es-tu morte ou est-elle vivante? Et cette semaine, j'ai trois questions pour vous. Ce sont trois extraits audio. Oui. Les deux premiers sont des comédiens ou des comédiennes. Et vous devrez me dire et me donner le nom de cette personnalité, de cette comédienne ou de ce comédien. Vous devrez me donner le personnage joué dans cet extrait. Okay? Et pour, évidemment, vous allez me dire si elle est morte ou elle est vivante. Ben oui. Et le troisième extrait, c'est le thème d'une série télé québécoise. Vous devrez me donner le titre de cette série télé québécoise. C'est... Tout le monde joue, alors je fais un test sur les déclencheurs. C'est compliqué, hein? Ben, c'est pas compliqué. C'est un concept de médium large. Seigneur Dieu. On teste les déclencheurs. Olivier, votre déclencheur? Pouette. Jean-Sébastien? Fred? Hey! Marc-André, vous devez... Oh! Oh, OK. Monique? OK. Ah, c'est bon ça. J'aime beaucoup celui de Monique. Alors, on est prêt. On va écouter le premier extrait. La première personne, évidemment, qui le sait. Et les gens dans la salle, testez votre déclencheur, s'il vous plaît. OK. Les gens sont là. Les gens à la maison. OK. Et c'est parfait. Alors, on écoute cet extrait. La première personne qui le sait, on écoute. Le premier extrait, c'est une comédienne. On écoute. J'ai rien bu. Même pas une petite gorgée. Même pas tremper mes lèvres, je te le jure. Moi qui me vantais. Jean-Sébastien? C'est Amulette Garneau. Wow! Wow! Ouais, bravo! C'est effectivement Amulette Garneau. Wow. Et... La mère d'Alain Zouvi. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, maintenant, j'ai la deuxième question. Attends. C'était pour quel téléroman? Allez-y. Est-ce que c'était L'Héritage? Ce n'était pas L'Héritage. Oh! Marc-André? Grand-papa. Ce n'était pas Grand-papa. Ah! Rue des Pignons? Non, mais là, attendez, là, vous lancez tous les téléromans dans lesquels... J'ai pas dit Dominique, j'ai pas dit Denise. On réécoute un petit extrait. Qu'est-ce que tu fais là? Je bois. Ah là là, je bois. On s'est trompé là. On réécoute l'extrait là. Mais on le réécoute j'ai pas. J'ai rien vu. Même pas une petite gorgée. Même pas tremper mes lèvres, je te le jure. Jean-Sébastien? Le clan Beaulieu? Mais non, c'est en 97, là. Tout le monde connaît ça. Qu'est-ce que... Oui, Marc-André. Avec un grand A. Ben non, franchement. Non, ça aurait pu être sur l'alcoolisme. Ben oui, je sais, c'est pas ça. C'était Sous un ciel variable. Ah, est-ce que les gens s'en souviennent de ça? Bon, voyons donc. Sous un ciel variable, ben oui. C'était l'histoire d'une auberge qui était tenue par cette grande comédienne, Patricia Nolin. Il y avait une auberge et il y avait Gilles Pelletier qui sortait avec cette actrice qui est décédée il n'y a pas tellement longtemps, qui écrivait des romans érotiques. Comment ça s'appelait? C'est pas important. Mais je remercie. La grande actrice qui écrivait des romans érotiques. Charlotte Beaujolie. Charlotte Beaujolie, voilà. Ah, mon Dieu, c'est le fun dans des vieilles personnes qui se parlent sur le plateau. Vous savez qu'Amulette Garneau est la sœur de l'humoriste et journaliste Marc Laurendeau. Oui, vous oui, saviez ça, évidemment. Bon, alors, la dernière question, est-ce qu'elle est décédée? Malheureusement, okay. Malheureusement oui. Oui. Ben oui, vous yeah. le savez. Bon, alors, on a Jean-Sébastien qui a un point. Oui. Et c'est tout. OK, alors, la deuxième, c'est un comédien, c'est là. On écoute et la première personne qui le sait, évidemment, déclenche son déclencheur. On écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Je bois. Il me semble que ça se voit, non? Ah, OK. Ouais, Lionel Villeneuve. Monique Simard a gagné. C'est Bravo. Lionel Villeneuve. Bravo. Mon Dieu, vous êtes extraordinaire. Je suis vieille. Ben oui. Jean-Sébastien aussi, ça fait pas de lui quelqu'un d'extraordinaire. Et c'était donc dans quelle télésérie ou téléroman? Oh. C'est un téléroman qui a été diffusé en 78. OK. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent dans quoi Lionel Villeneuve a joué en 1978? Ça serait gênant si vous le saviez. Pour être bien honnête, là. 78. Ouais. Ah, Jean-Sébastien? Alistair Humaine? Non, c'est Race du Monde. Race de Monde, pardon. Ben oui, mais je t'ai pas né. Race du Monde. Race du Monde. C'est humiliant. Race du Monde. Eh oui, évidemment, Lionel Villeneuve qui jouait dans Race de Monde. Oui. Ça raconte... On salue votre recherchiste qui prend des bonnes notes. Et ça racontait quoi, Race de Monde? Ah, oh, mon c'était Dieu. C'était du Victor Lévy-Beaudieu. Oui, c'est, ouais. Ah, c'est vrai, hein? Mon Dieu, alors, ça devait être intéressant, gens... terrible. Fait que c'était des gens qui devaient chicaner dans le bas du fleuve. Mettons que ça s'aimait pas beaucoup. Lionel Villeneuve a aussi joué au cinéma dans Mon oncle Antoine, de Claude Jutras, évidemment, en 71. Oui. Il a joué aussi dans Les Ordres, hein, de Michel Brault. Oui, mais c'était surtout Ouragan. Pour les plus vieux d'entre nous, quand on était jeunes, il incarnait un personnage d'émission d'enfants, Ouragan. Ah, ouais. Ah mon Dieu. C'était comme qui, un géant. Qui se souvient de ça? Personne. Voilà. Bon. Alors. Voilà, ça dit tout. Moi, je me souviens de la chanson de Stéphanie de Monaco, mais ça n'a rien à voir. Ça a vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai lu la biographie de Stéphanie de Monaco qui s'appelle Je vide ma valise. Ah. Quand j'étais petit. Ben, je vous le prêterai. Vous en jaserez. Vous en jaserez en jouant au bridge tout à l'heure, Jean-Sébastien. Et évidemment, est-ce qu'il est décédé? Oui. Ben oui, il est décédé, notre ami Lionel Villeneuve. Et la dernière question, évidemment, c'est le thème d'une émission québécoise qui a été diffusée avant 1980. OK. Bon. Ouais. Alors, on écoute la première personne qui le sait, évidemment. Les enquêtes Joe Bidon. Oui, Monique Simard est extraordinaire. C'est les enquêtes Joe Bidon. Je tiens à dire que la réponse est venue de la salle. La réponse est venue de la salle, alors un point de la salle. Ah là, mon Dieu, c'est très, très serré. Et évidemment, les enquêtes Joe Bidon, c'est... c'est avec Marc Favreau, hein, les enquêtes Joe Bidon. Et c'était dans les années 60. Ça fait quand même un petit bout. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté un épisode des enquêtes Joe Bidon ici? Oui, ah, ouais, plusieurs. Pas en direct, toujours. Ben, à l'époque, c'était en direct, à mon avis. À mon parce oui, que c'était l'époque de la télévision directe en studio. Puis c'était une émission de deux détectives. Là, ben oui, ben oui. C'était vraiment... c'était une des premières séries détectives de... Toutes télé confondues, mais évidemment, ouais, au Québec, ben, ça oui, qu'on n'en a pas fait des tonnes, hein, ici, au Québec, Rachel et Régent, qui était un téléroman de détective avec Lionel Villeneuve, justement, qui travaillait avec sa sœur qui est en chaise roulante et il faisait il y a eu récemment, je pense, il y a 2-3 ans, un téléroman qui n'a pas du tout levé à Télé-Québec. Chabot et filles, voilà, où on parlait justement d'enquête. Et vous savez qui jouait également dans Enquête Joe Bidon? Oh mon Dieu. Amulette Garneau. Oh! Ah, tout est dans tout. Ouais. Alors, écoutez, c'est égal. Alors, Jean-Sébastien a un point. Monique Simard, vous en avez deux, en fait. Non, moi, j'ai... Ah, dans la foule? Ici, là, dans la salle. Dans la salle. Et ouais. Je pense qu'à la maison aussi, il y a deux personnes qui ont répondu. Je les ai entendues. Alors, c'est les gens à la maison qui gagnent cette semaine. Ah. Bravo et merci d'avoir participé à notre quiz. Bon coup vivant. Victoire pour les Y. Avec le professeur Frédéric Savard. Oui. Professeur Savard, vous nous parlez de quoi cette semaine? Ben, je profite de la présence de Marc-André et de Mme Simard pour faire brosser l'histoire du cinéma québécois. Oh là là! Pour montrer au Y qu'il n'y a pas toujours eu Netflix et YouTube pour s'abrutir. Et ça commence. Et d'ailleurs, j'aimerais dire, personne ne nous a écrit. Il n'y a pas eu pas d'erreur dans mon histoire des Y la semaine dernière. Est-ce que vous allez en glisser cette J'en semaine? J'en ai mis cette semaine, oui. Ah, vous avez mis des erreurs? Oui, j'ai fait exprès. Alors, soyez attentifs à la maison. Alors, ça débute quand même en 1896. Première projection au Canada, Louis Minier et Louis Pupier, deux opérateurs de Louis Lumière qui présentent les premières images sur grand écran au Canada et ça a lieu dans un café-concert du boulevard Saint-Laurent à Montréal. C'est au Québec, oui, qu'on a vu les premières images. 1906, Léo-Ernest Ouimet ouvre sur la rue Sainte-Catherine le Ouimetoscope, première salle de cinéma permanente au Québec. Et c'est en 1906 que M. Ouimet va tourner ses premiers films, ce qui inaugure un peu la production de films québécois. Le Ouimetoscope qui est devenu maintenant... Qui est fermé les années 80. Maintenant, c'est un Harvey's. Harvey's et des condos en haut. Bon, c'est fun. Oui, alors évidemment, le clergé s'en mêle à l'époque et l'archevêque de Montréal, Paul Bruchesi, demande en 1907 que la loi interdisant les divertissements payants le dimanche s'applique au cinéma. Pour Bruchesi, il y a deux raisons d'haïr le cinéma, deux arguments. Le cinéma est, là je cite M. Bruchesi, est corrupteur parce que, école du soir, tenue par le diable, il pervertit la jeunesse en lui donnant des leçons d'immoralité et un panthéon d'idoles frelatées. Alors ici, on voit que Mgr Bruchesi préfigurait déjà l'arrivée d'Éric Lapointe, idole frelatée. Et par ailleurs, on sait aujourd'hui que le diable n'existe plus, a été remplacé par Vincent Guzzo. Comme les salles diffusent que du cinéma américain, il devient aussi dénationalisateur, parce qu'avec lui, notre race, sa culture au mode de vie et de pensée d'outre-frontière. Alors ici, Mgr Bruchesi se trompe, puisqu'on sait que l'acculturation de notre race est plutôt causée par l'arrivée massive des Français blasés partis s'installer sur la réserve phonique du plateau Mont-Royal. 1912, l'Américain Frank Beresford termine le court-métrage « Dollars des ormeaux », qui serait le premier film de fiction canadien à l'époque. Le cinéma canadien n'est pas encore une pâle copie inintéressante et drabe de ce qui se fait de moins bon aux États-Unis, comme aujourd'hui. 1912, on crée également le Bureau de la censure qui s'occupera de visionner tous les films présentés dans la province en éliminant les scènes qui ne conviendraient pas à la morale publique. Les films sont tronçonnés, on les présente comme ça avec des montages complètement loufoques, un peu comme le film est dangereux, mais eux, c'était pas voulu. Jusqu'à sa disparition en 67, le Bureau interdira plus de 6000 films, quand même, au Québec. 6000? Oui, 1922, c'est la projection du premier film de fiction québécois, Ho Ho Jean, de Joseph-Arthur Aumier. Béatrice Picard y joue son premier rôle au cinéma. Non, 1922. C'est vrai? On ne sait pas. Okay, 1922 c'est... Aussi. C'est niaise. 1929. Et l'arrivée de la multinationale Famous Player au Québec, c'est le début de l'invasion cinématographique américaine. Les films de Chaplin, Keaton, Fairbanks sont projetés partout au Québec. Il y a des grandes et moyennes salles dans toutes les villes du Québec, des salles de 2000 places. 2000? Oui, le cinéma est l'activité numéro un du divertissement et ça va se poursuivre pendant 30 ans jusqu'à l'arrivée de la télévision en 52. 1925, premier film du prêtre Albert Tessier qui, avec l'abbé Proulx, sont considérés comme les pères du documentaire québécois. Ils se spécialiseront dans les films visant à mousser l'immigration en région. On se rappellera le film sur l'Abitibi qui débutait par la phrase désormais célèbre « L'Abitibi ». Terre de contraste. J'en ai vu plein au CGF, c'est passionnant. 1939, naissance de l'Office national du film qui vise à faire comprendre le Canada aux Canadiens. Et pour ce faire, on engage surtout des Britanniques et des Américains. Les quelques Canadiens français qui travaillent sont surtout pour traduire des films anglophones. Très peu de films francophones, on va attendre 1956 pour ça. En 1939, c'est aussi l'année de la première coproduction France-Québec, Notre-Dame de la Mouise. Quelle année? 39. Ah oui, hein? Production France-Québec, c'est Joseph-Alexandre de Sèvres qui va fonder Télémétropole dans les années 60 par la suite. C'est le producteur. Alors, c'est le début d'une belle tradition de coproduction de films français inintéressants, mettant en vedette des gros noms d'ici dans des rôles d'indigènes niais, aux côtés de vedettes françaises de second ordre et vieillissantes. Les années 40 verront la création d'une industrie locale du cinéma véritable avec des compagnies privé. Et là, on va voir l'apparition des premiers succès. Le Père Chopin, Un homme et son péché, Le Gros Bill, Séraphin, Ticoc et bien sûr, La petite Aurore, L'enfant martyr. Ah oui, hein? On se souviendra évidemment du petit frère d'Aurore qui la cherchait constamment dans le film en l'appelant doucement « Aurore! Aurore! » Le succès est donc au rendez-vous et on commence même à parler d'un Hollywood francophone. Et évidemment, la télévision va arriver quelques années plus tard et ça va un petit peu stopper. Et c'est vers le documentaire que le cinéma québécois va se développer avec le cinéma direct, une invention québécoise qui a influencé énormément de cinéastes documentaires dans le monde. Le premier film de cinéma direct, c'est Les Racketeurs, un court-métrage de Michel Brault et Gilles Groulx. Dans les années 60, à l'ONF, via le cinéma direct, beaucoup de réalisateurs vont faire leurs premières armes. On a Claude Jutras qui va commencer, après le cinéma direct, à faire de la fiction. Claude Jutras avec « À tout prendre », Gilles Groulx avec « Le chat dans le sac », Gilles Carle avec « La vie heureuse » de Léopold Z. Et Denis Arcand qui fait ses premières armes à l'époque, à l'ONF. En fait, c'est à cette époque où la modestie le quittera, malheureusement, le lendemain pour ne plus jamais revenir. 1968, le Québec libéré de l'emprise du clergé produit son premier film érotique officiel, « Valérie » de Denis Roux, qui met en vedette Daniel Ouimet. Bon, érotique, on s'entend, c'est un grand mot, c'est quand même soft si on compare avec aujourd'hui. Là, même le reportage de Lily Boisvert passerait pour du hardcore. Suivra deux ans plus tard Deux femmes en or de Claude Fournier qui deviendra le plus grand succès commercial du cinéma québécois avec près de 2 millions de spectateurs à l'époque. Oui, ce qui est quand même 25 fois plus que les codes d'écoute de Deux hommes en or à Radio-Québec. 1971, c'est la sortie de Mon oncle Antoine de Claude Jutras, considéré Considéré par plusieurs comme un des meilleurs films canadiens de l'histoire, tout de suite après Porky et Hot Dog. Non, c'est pas vrai. 1974, Les Heures de Michel Brault prend l'affiche et reçoit même le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, même si Anne Dorval ne jouait pas dedans. 75, création de l'Institut québécois du cinéma qui deviendra la SODEC en 1994. 77, création par Serge Lozic du Festival des films du monde. À l'époque, les films en compétition proviennent surtout de cinéastes pratiquement inconnus, exactement comme aujourd'hui. Les années 80 verront leur lot de grands succès québécois comme La Guerre des Tuques, Déclin de l'Empire américain, Déclin de l'Empire américain. Jésus de Montréal, Les Ploufs, Elvis Graton, Un Zou la Nuit, Cruising Bar, une grosse décennie. Les années 90 seront moins généreuses en grands succès et nous apportera également possiblement le pire film québécois de tous les temps, Angelo, Fredo et Romeo. Oh mon Dieu, je Jésus! Je tairai le nom des acteurs qui jouaient dedans, Benoît puisqu'ils sont Rien tous vivants. Là quand même. Oui, on le reçoit bientôt Martin d'ailleurs. Bien 94, premier film québécois à faire l'objet d'un remake, c'était Louis XIX, Roi des Ongles, qui aurait été adapté aux États-Unis. Excusez-moi, 99, diffusion du premier gala des Jutras, qui récompensera les artisans du cinéma. 2004, Invasion barbare de Denis Arcand reçoit le CEDAR, le Jutras et le Prix Génie. Le Prix Génie, c'est un peu comme les Junos, on le gagne, mais on le met pas dans notre CV. Et les Invasions barbares, qui devient le premier film québécois à remporter l'Oscar du meilleur film étranger. 2005, excusez-moi, les films Crazy, Horreur et Horloge biologique sont des grands succès au box-office et permettront au cinéma québécois d'avoir une part de marché de 18,9%. On en parlait tantôt, c'est quand même énorme. Donc, c'est des cycles, visiblement. Et j'arrêterai en 2006 avec Bon Cop, Bad Cop du réalisateur Éric Canuel, qui devient le plus gros succès canadien de l'histoire, récoltant 11 millions de dollars au guichet. Suivront ensuite les films de Xavier Dolan, qui feront de Dolan le meilleur cinéaste de la galaxie, selon Xavier Dolan. Voilà. Hey, je suis d'un pas pire! Je suis très impressionné, Frédéric, mais il manque quand même un titre dans votre... Ah oui, lequel? Lequel? Wow! Ah oui, c'est vrai! Wow! Monique Simard était dedans, tout à fait! C'est ben vrai! Oui, jeune, Monique Simard! Ah, pardon? Vous étiez jeune à l'époque, j'ai, non? Wow! J'ai 18 ans, on a tourné ça... Pas encore vieille. Non, j'ai pas dit ça! 68. Ah, 1968? Oui, avec Claude Dutras. Et c'était... c'était assez expérimental, oui. Parce que Claude avait mélangé la fiction avec le documentaire, le film avec la vidéo. C'était-tu bon? Ben, tu l'as pas vu. Mais moi, je l'ai vu, c'était super intéressant. C'était des jeunes qui parlaient de comment ils se voyaient. Mais je pense que. Mais Marc-André, je vois... Enfin, c'était des jeunes qui se projetaient dans l'avenir. Ah, c'est niaiseux, hein, mais c'est parce qu'on a d'autres choses à faire dans l'émission que parler de films. On mettra tout ça sur la page Facebook. On reviendra. Waouh, c'est onf.ca, tout le monde. On va aller vous voir dans Waouh à onf.ca. Mais moi, ma réplique préférée dans Horror, c'était Maman, t'as brûlé. Mais je pense que ça peut nous mener au sport. On va être emballé par le dehors. Hey, je suis désolé, Olivier, on aime ça les sports, mais on aurait comme préféré parler de cinéma. C'est pas vrai. Je peux parler de cinéma aussi. OK, allez-y, voir. Mais malgré une victoire de 2-0 hier soir, l'Impact ne fera officiellement pas les séries éliminatoires dans la MLS. On est vraiment triste. Sinon, venir incertain pour Éric Gay, qui pourrait rater la prochaine saison de la Coupe du monde de ski à cause de son genou qui est capote. Mais moi, d'abord, que le genou de Markov est correct, je suis très heureux. Et d'ailleurs, du côté du Canadien, match simulé encore ce matin, les Rouges l'ont emporté 5-2, décidément, ils sont trop forts pour la Ligue intra-équipe, ces rouges-là. Sinon, les Alouettes jouaient cet après-midi contre les Stampeders de Calgary. Ils ont gagné 31-15. Et c'était aussi aujourd'hui que trois anciens joueurs de l'équipe étaient intronisés au temple de la renommée de la CFL, soit Ben Cahoon, Uzuma Okeke et Wally Buono, trois noms vraiment le fun à dire. Et ces trois gars-là, ils ont passé leur carrière à se foncer dedans. Ils auront chacun une statue à leur effigie au temple de la renommée. Mais comme disait Donald Lautrec dans Gina. As-tu déjà vu ça, toi, la statue d'un gars qui a jamais fait de mal à personne? Hein? C'est vrai, je peux parler de cinéma. Ça, c'est un autre bon film. Ce qui m'amène au football de la NFL où les scandales ont continué de pleuvoir cette semaine. Même le très propre Peyton Manning des... Peyton Manning. Des Broncos de Denver a fait parler de lui, c'est que Manning est le porte-parole d'une chaîne de pizzeria, Papa John Pizza. Ouais. Il a déclaré que la légalisation du pot au Colorado avait été une très, très bonne affaire pour la chaîne. Les tripes de bouffe, il faut croire que c'est payant. Et d'ailleurs, dès que Justin Trudeau est élu, moi, je me prends des actions de Burger Tim. Je vais faire un petit détour par la NBA avant de revenir à la NFL. Vous avez peut-être vu passer ça récemment. Un autre scandale dans le monde du basketball. Ouais. Il y a quelques mois, il y a le propriétaire des Clippers qui était contraint de vendre son équipe après avoir tenu des propos racistes. Cette fois, c'est le propriétaire des Hawks d'Atlanta qui devra vendre parce qu'il a dit que les Noirs ont fait fuir les partisans blancs et qu'ils ne sont pas assez riches pour s'acheter des billets de saison ou des bobettes à l'effigie de l'équipe. Donc, l'équipe court à sa perte. Mais bref, Jean-Charles Lajoie de Radio 9 se demande, lui, s'il n'y a pas un complot dans la NBA pour se débarrasser des Noirs, un complot qui d'ailleurs s'étendrait maintenant aux footballeurs Rice et Peterson et à la NFL. C'était le sport des Blacks, puis tu sais quoi, tu penses que t'es meilleur de même, hein? Parce qu'ils sont meilleurs, tu veux que je te dise. Mais on dirait que la NBA n'a pas toléré ça, et moi je trouve pernicieux ce qui se passe actuellement avec Rice et Peterson, parce que j'ai l'impression que derrière tout ça, c'est le white power qui se profile pour dire... On va se réapproprier notre sport parce qu'ils sont en train d'en prendre le contrôle absolu. Et voilà, d'ailleurs, je ne serais pas surpris que les francs-maçons soient aussi derrière tout ça. Il faudrait demander à Mme Rice. Oui, peut-être. D'ailleurs, Fred, des nouvelles de la NFL oui, aujourd'hui, oui, des oui, résultats? J'ai des scores rapidement. J'ai 14, 34, 29, Seattle, Denver, Miami, deux fois Miami. Qu'est-ce que vous voulez dire? Très spécial. Ben, juste ça de même, non? Ah non, mais non, mais donnez les vrais résultats. Ben, Marc-André, c'est vrai, okay. Ben, les Dolphins sont en train de perdre 21-15, mais je m'intéresse de moins en moins à la NFL. Justement, avec toutes ces histoires de violence, je trouve qu'on devrait tous faire ça. Et je salue Jean-Charles. Et vous allez vous intéresser à quel sport, Fred? Je vais continuer à la lecture. Ah, mon moi, Dieu! J'adore lire. Que vous êtes bon, cultivé, ouais. Adassa, quand même. Je vais relire Adassa pour vous. Merci, Fred. Jean-Sébastien, est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Oui, absolument. Si je peux juste me permettre, avant, mon Téléthon Twitter va très bien, Jean-Philippe. Vous êtes rendu à? Ben, j'ai 100 nouveaux suiveux. Arrêtez donc. Oui. Toutes sortes de beaux témoignages, des gens qui me disent qu'ils m'aiment beaucoup, etc. Il y a même quelqu'un qui vient de dire, mais en fait, ça, c'est un peu moins le fun. Simon Blais-Lontain, il dit, la seule façon pour avoir plus d'abonnés, change ta photo et mets celle de Jean-Philippe Vautier à la place. Bon, Dieu, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas pourquoi les gens applaudissent. Sinon, il y a Fabienne Elliott qui dit qu'elle se propose de me retirer de sur Twitter pour pouvoir être la 4000e pour pouvoir venir souper avec moi. C'est gentil, hein? C'est-à-dire qu'elle n'a pas entendu l'émission parce que les recettes que vous faites, je n'irai pas souper avec vous. Voilà. Et sinon, pour Mme Simard, beaucoup de courriels. Un courriel, bon, pas très gentil, là, qui dit « Bonjour, Mme Simard. C'est bonjour, Mme Simard. Je n'ai jamais entendu une entrevue aussi plate de toute ma vie. Vous devriez rester à la maison au lieu de venir polluer les ondes publiques. Vous ne valez pas Saint-Saëns. » Et c'est signé S. Lozic. Alors, on le salue. Évidemment, voilà. Évidemment. Et c'est le moment, vous entendez cette sirène, c'est le moment où je dois compter ma blague du jour. Ah mon Dieu, c'est niaiseux. Et je continue dans le thème géopolitique. Ouais. Jean-Philippe, parce que je faisais une blague qui se situait en Afrique. Ouais. Aujourd'hui, ça va se situer à Cuba. Ah mon Dieu. Pourquoi, Jean-Philippe, il n'y a pas de lampion dans les églises à Cuba? Ben, je sais pas. Parce que les fidèles cassent trop! Mon Dieu, c'est drôle. Marc-André, j'ai même pas ri. Ben, non, mais je pensais au fait qu'on manquait de scénaristes au Québec. On comprend pourquoi. Eh bien, franchement, c'est une bonne réponse. Merci pour votre bonne blague, Jean-Sébastien. Merci à toute l'équipe. Merci, Monique Simard. Ben, merci à toute l'équipe aussi de m'avoir invité. On va voir les films québécois pendant toute l'année, j'imagine. Puis on vous reçoit l'année prochaine pour parler des 12 parts de marché que le cinéma québécois va avoir fait. C'est bien ça? Ben, allez-y. Il y a des super bons films. Puis là, bon, il y a Mommy, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Corbeau, Félix et Bérard et plein d'autres. Ben, merci beaucoup, écoutez Madame la Simard. Musique québécoise, écoutez les émissions québécoises, lisez la littérature québécoise. Mais Marc-André, merci, c'était votre dernière chronique ici. C'est et on remercie évidemment tout le monde, les gens à la maison, les gens qui sont venus voir au Helm. Merci à toute l'équipe, vous connaissez. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres soirées qui seront encore jeunes. Merci tout le monde.